est tellement pressé de venir que j'ai tout oublié. Aïe. Maman, mais bon, je dois dire que Jésus a bouleversé ta vie, c'est que je te vois avec les nattes. Non, Jésus a bouleversé ta vie. Pourquoi en journée, on voit tous ces aspects-là de la femme, pourquoi vous voyez dans la Bible? Et on ne parle pas seulement. C'est des pasteurs, donc beaucoup de pasteurs qu'on ne veut pas dire parce qu'ils s'apposent, ils disent, les gens vont se m'enfuir. Il y a un pasteur qui a parlé de ça. Voilà. Parce que depuis un temps, maman, il dort au salon. Quand je suis au salon, il y a une radio là. Pour cette R, quoi là, radio, c'est pas radio Vie Nouvelle, la RDV, le maquette comme ça. Oui, ça maquette. Il y a un passé là, il prêche et il gronde seulement. L'air, il y a beaucoup de pasteurs qui ne supportent pas que les gens. Il y a Radio Bonne Nouvelle et Vie Nouvelle là. Qui n'aiment pas. Mais la vérité, n'est-ce pas? Ils n'aiment pas que tu viennes. Mon Dieu, les grands mères savent écrire. Tu as la grâce au moins que tu sais lire déjà. Il y a des gens qui ne connaissent pas, qu'on les manipule souvent comme ça là. Ils supportent souvent les pasteurs, supportent souvent l'église. Frère Junior, comment faire pour que cette parole-là soit. C'est selon la grâce que Dieu donne. C'est pas et tout aussi, le monde. Il faut la connaissance lire. Que Dieu a donnée à l'apôtre Paul, il n'a pas donné ça à l'apôtre Pierre. Il dit que c'est la même chose que le frère Paul vous dit avec la sagesse que Dieu lui a donnée, dans lesquelles il y a des points difficiles. Donc plusieurs personnes tordent le sens comme ils tordent dans beaucoup d'autres écritures pour leur propre ruine. Donc en lisant les écrits de l'apôtre Paul, il y a des choses qu'il lisait, il ne comprenait pas lui-même. Mais il savait que c'est Dieu. Tu vois, Daniel écrit. Il écrit quelque chose, il dit que je ne comprends pas, là, il dit que celle, c'est pas pour te comprendre, c'est pour l'époque de la fin. Donc, bien qu'il écrit, il ne comprend pas. Alors, la Bible déclare à Isaïe, la toute parole de l'écriture sera pour eux comme une parole de l'évangile qu'on va dire que donne à quelqu'un et que c'est scellé, il dit que je ne puis le lire. Ou bien encore, de ce que révèle ce qui est écrit là-bas, il dit cache ces choses parmi mes disciples. Il dit heureux vos oreilles qui entendent ce que vous entendez, car plusieurs ont souhaité entendre ce que vous entendez et n'entendent pas. Mais pourtant, il disait la même chose, d'autres personnes l'insultaient comme étant un démoniaque. Et il dit, vous qui entendez, vous êtes heureux. Apocalypse chapitre 1, verset 3 dit, heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles du livre de ces prophéties. Jésus dit que si vous avez parmi cela, les deux alors, ceux qui lisent et ceux qui entendent. On a dit que ceux qui lisent et entendent. Donc, c'est pas que tu ne puisses pas lire, mais que tu entends, que ça pénètre ton cœur. Parce que tu lis le but pour lequel tu lis, c'est pour que ça entre. Donc il y a d'autres qui entendent. La Bible dit que la parole vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Or, si tu peux entendre, parce que quelqu'un prend dans la Bible pour te parler, pour que ça entre. Ou bien comme tu peux lire toi-même pour que ça entre. Donc tu es heureux. Moi, je préfère entendre. Entendre. Le vrai problème maintenant, c'est que si tu entends, quand c'est de Dieu, et que tu as la disposition pour connaître la vérité, quelque chose témoigne dans ton cœur que ça, c'est la vérité. Même si tu veux rejeter, ça va te dire que c'est la vérité. Si tu n'as pas de contact dans le cœur avec le Saint-Esprit, on va dire n'importe quoi, tu vas croire. La preuve, les gens touchent leur argent, ils partent donner au pasteur, ils laissent les orphelins, les veuves, les malheureux, sans les soutenir. Il y a par exemple, il prend un exemple simple, on dit que ne venez pas à la maison de Dieu, les mains vides, n'est-ce pas? Ça ne se trouve pas dans la Bible, il n'y a pas un verset qui dit ça. Il y en a. Montre. Voilà la Bible. Malachie. Non, il n'y a jamais dit ça, ça ne se trouve même pas de bon à Malachie. Apporter à la maison de l'Éternel de toutes les dîmes, ça c'est autre chose. Ça c'est pour les dîmes. Il dit qu'il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit on ne vient pas à la maison de Dieu les mains vides. Il y a un passage, ça se trouve pas dans la Bible, nulle part. Et on est nous. On ne vient pas dans la maison de Dieu avec les mains vides. Les mains vides. Donc c'est pour ça que quand tu dis que tu veux venir devant un homme de Dieu, tu viens par les mains vides. Il y a tant de sur le plateau, il dit que montre-moi c'est écrit dans la Bible. Il commence comme ça, tout le monde peut dire qu'on peut. Non, vous mentez les gens, ça se trouve pas dans la Bible. Je veux que vous mentez. Alors, quand tu dis qu'on ne vient pas à la maison de Dieu, vite. Par contre, quand tu vas sortir de la maison, tu fais tout pour avoir moins de 200. C'est ça. Tu vas partir parce qu'on ne vient pas à la maison de Dieu, les mains vides. On va entrer là-bas, on va lire ce que la Bible dit. Vous allez comprendre que ça n'a rien à voir. Si tu as 25, tu donnes là-bas, on te dit qu'on ne vient pas avec les pieds. Alors, ça veut dire que si j'étais à la place de Jésus, quand il avait vu cette femme-là donner les pauvres deux pièces qu'il avait, il devait rejeter cette femme. Bon, frère Junior. Jésus a dit que cette femme-là a donné plus que les autres. Oui, frère Junior, pourquoi l'époque de Jésus, dont la femme-là était venue donner les offrandes? Je vais expliquer. Tout ça est dans la Bible. Il y a un pourquoi. Je la laisse à la maison. Non, il faut la maison déjà. Oh Seigneur, le jour de ma délivrance est arrivé. Tu n'as pas encore entendu, tu entends des choses qui vont te scandaliser. Tu vas regretter tout ton argent. On m'a tué seulement et mon argent. frère Julien. Et vraiment. Bonne arrivée. Merci. C'est terrible. Souviens-toi que tu n'es pas venu voir un homme. Ça, tout ce que je vais dire n'a rien à voir avec frère Julien. Le Dieu très haut, qui est en haut là, qui a de nous écouter ici. Et si je suis un menteur, je vais lui rendre compte. C'est qu'il m'a envoyé dire ce qui est écrit dans la Bible. Que les gens disent comme ça, que moi, je dois dire ce qui est droit. Pour ne pas détourner ni à gauche, ni à droite. Et que je dois avoir les ennemis. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Que même mes enfants ne savent pas. J'ai chez moi un lopin de terrain. J'ai fait une petite cabane. Moi, pour moi, je n'appelle pas ça cabane. C'est en planche, mais j'appelle ça duplex parce que Dieu est capable de susciter quelqu'un qui vient transformer ça. Il y a un boulanger qui a pris ça. Il me donnait 600 000 tous les 3 mois. Mais comme j'avais dit à Dieu que j'ai fait un vœu de donner 100 000 francs tous les 3 mois. Ça dit qu'il me donnait 600 000 et 60 000 je prenais sur cet argent. Plus ce que les quelqu'un peut me donner, bon, j'ai dit donner. Que j'arrondis. Tu es sûr que tu as donné comme ça à Dieu? Oui. Je savais. Même hier là, qu'est-ce qu'il y a fait, même cette nuit, on nous a parlé de l'infidélité, c'est le contraire de la fidélité. Ça, c'est clair. Avec le pasteur là, tu as promis à Dieu, tu avais honoré. Tu viens dans la maison de Dieu, tu ne travailles rien, tu ne balais pas la maison, tu ne fais rien. Et puis, tout cet argent que j'ai donné depuis tout ce temps-là, donc j'ai donné ça comme ça au pasteur. Tu vas entendre des choses aujourd'hui, maman, ne t'inquiète pas. Et maintenant, le monsieur l'a dit que on a fait un contrat de 7 ans. Il a fait moins de 3 ans et il a trouvé une maison. Il veut s'avancer un peu à côté de la route. Et vite, lui, j'ai déjà dit à Dieu que si tu m'envoies quelqu'un qui peut prendre selon ce qu'il donne, n'est-ce pas, je vais toujours continuer dans le même Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Non, en fait, sache que tu as donné tout ton âge chaque fois là, dans le vide. Tu peux te rassurer à 100% donc déjà. Et avec l'enseignement, si tu es dans une église, on dit offrande, tu ne te lèves pas. Dîme, tu ne te lèves pas. Le pasteur va te maudire même avant le temps. Ça va dire qu'il en déplace la place de Dieu. Parce que normalement, si c'est Dieu qui vient de l'offenser, Dieu va défendre. La Bible déclare que lorsque les gens, Gédéon est allé pour casser le pieu de sa maison, de son papa, les gens se sont levés là pour dire qui a cassé le pieu. Si les gens ont voulu se lever, on dit si Baal est Dieu, qui lève et qui se défend. Si on a cassé le pieu qui est représentatif de Dieu, c'est qu'on n'a pas besoin de se défendre parce que Dieu est capable de se défendre. Donc le pasteur n'a pas besoin de prononcer malédiction parce que la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 29, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce. Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Ok. Donc on ne sort de notre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc une parole qui sort de parole malédiction n'est pas de Dieu. Parce que la Bible dit que la bouche qui bénit ne doit pas maudire. On doit prier pour les ennemis. Donc même si un pasteur te dit n'importe quoi, la Bible déclare que Jésus, notre Seigneur, est notre modèle. Lui qui insultait ne faisait point de menaces. Injurier, il ne rendait point d'injure, mais ça remettait à celui qui juge justement. Je ne dis pas que c'est déjà arrivé, mais je sais que comme Elagie m'a donné un peu sur les dîmes là, j'ai à l'église quand mardi, offrande, bon, je me suis levé, dîme, je n'avais pas, sacrifice, papa, bon, arrêtons ce sacrifice. Tu touches, on te dit que, voici la bouteille, la personne qui va venir toucher la bouteille. Prenez un sacrifice, un grand sacrifice. Partir 10 000, 20 000, selon comme l'esprit. Tu viens toucher, tu donnes tes 10 000. Bon, maintenant je pose la question. On a déjà eu à 10 là, et là, tu as eu déjà à faire cela, n'est-ce pas? plusieurs fois même, c'est bon, la ce qui te pousse, qui te dit d'aller mettre la main là-bas, de te les toucher pour donner de l'argent. Et toi, tu as donné souvent combien d'argent? Si je mets 100 francs, mais 200 dedans. Est-ce qu'il prend ça? Il a un panier là. Tu jettes seulement dedans? Je mets comme ça, je viens mettre. Quand il dit que les gens qui mettent les 20 000, les 10 000, je ne me lève pas. Je me lève en dernier. Parce que moi aussi, je vais toucher la bouteille là. Et la bouteille là, c'est la bouteille de quoi? C'est l'exemple que j'ai. Ok, donc il dit un truc qu'on peut toucher, peut-être le mouchoir, peut-être le mouchoir, n'importe quoi. Même son dos, il peut se mettre comme ça. Il dit, la personne qui va toucher mon dos aussi. Et il fait souvent son ça. Son dos? Oui! Attends, il est marié. Oui. Bon. Prenons la Bible, tu peux lire, c'est la Bible, tu peux lire. Moi, je peux lire. Ok. Ouvre deux pieds, tu dans le moment. Deux pieds. Oui. Maman, bienvenue, d'accord? Oui, papa. Bienvenue. Pour que quelqu'un parvienne à cette vérité, c'est ce qu'on est en train de vouloir découvrir ce soir. Et c'est celle que tu vas découvrir plus tard. Il a fallu que peut-être, il aurait fallu que tu aimes d'abord le Seigneur, que tu cherches la vérité. Mais quand il n'y a pas la vérité, faute de moi, faute de cela, tu vas considérer que le vrai, le faux, c'est le vrai. Donc il dit que tu touches son dos. Et quand vous touchez son dos, bonsoir. Ce qu'il veut dire, c'est que quand vous touchez son dos, qu'est-ce qui se passe par la suite? Non, on ne connaît pas. Il y a des gens qui touchent, après ils touchent des choses. Moi-même, je pars à l'église. Seigneur Jésus, quand je pars à l'église, on touche même les gens, ils font, ils tombent, moi, je suis là comme ça. Quand il vient avec ces choses-là, même s'il vient verser l'eau. Oui. Bon, il sort d'où avec tout cela? Hein? C'est toutes ces choses qui demandent que vous touchez au de là-bas, il sort d'où avec cela? Mais en plus, l'eau, on met là-bas. Il sanctifie après. Il fait quoi avec l'eau pour que ça se sanctifie, que toi, tu ne peux pas faire? Il verse aux gens, moi-même, je prie en langue. Quand je mets ma langue là, l'air chose, c'est de tout tomber là, je ne tombe pas. Toi, tu m'avais dit un jour que tu priais en langue. Bon, oui, on va, pour la langue, ça c'est un deuxième aspect qu'on va voir. On va voir ce que c'est que le parler en langue. Oui. Et là, tu vas devoir me répondre comment ta part est venue, d'accord? Voilà. Tu as un cas typique de ce qu'on va voir. Ah, Dieu. Non, deux pieds. Quel est le titre là? Voilà, deux pieds, non? Non, je vais un. Ah oui, non, c'est 2 Timothée. Ouais, avance donc, là, avance donc. Nous sommes le 27 aujourd'hui, non? Je crois bien, ça fait longtemps que j'ai oublié l'école. Vendredi 27 janvier 2017, en plein air, nous savons la parole du Seigneur. Merci Père, de ce que tu nous as donné cette merveilleuse journée, cette merveilleuse soirée, que tout ton nom seulement soit glorifié. Amen. Je vois un pied ici. Après un pied, donc avance. Je vois Tite. Non, ça veut dire que avance. Voilà, mais voici pied ici, là où tu as ton doigt ici. Pied. Oui, avance donc. C'est deux pieds. Ah, c'est bon, tu prends le pied. Donc voilà, c'est bon. Ah, c'est bon. Chapitre 2. Oui. La célèbre. La célèbre. C'est... Chapitre 2. Non, c'est moi qui... Elle m'a pas appelé. C'est un tâté. Il a sifflé, son mari a sifflé. Voilà. Non, elle J'ai fait tout sur la tête, c'est ça qui m'a dépassé. Bon, maintenant, donne à maman comme c'est sa Bible. C'est ta Bible là, ici, c'est pas maman. Donc, ta fille et tes filles ont subi les frustrations dans les églises et tu en as subi. Et tu en as dépensé. On va voir maintenant. Donc, nous allons voir dans 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1. Allons-y, lisons ce qui est écrit. Je lis au nom de Jésus. Il y a eu les faux docteurs. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui est... Attendez, il vaut mieux que je... Tu t'assois pas ici. Eh bien, là, c'est quand même ils sont... Si tu veux t'asseoir, tu t'assois dans la voiture. Les faux docteurs. Oui. Je lis au nom de Jésus. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. De faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a rachetés attireront sur eux Une rune soudaine. Oui. Une rune soudaine. Plusieurs les suivront. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Oui. Par cupidité, oui, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. C'est bon. Donc Dieu a commencé, quand on a fini de dire, on a donné des avertissements, on a commencé par donner les premières caractéristiques de ces faux docteurs. On a commencé par donner les premières caractéristiques de ceux-là qui sont de faux enseignants. Il dit par cupidité, l'amour excessif de l'argent, l'amour de la possession. Il dit qu'ils trafiqueront de vous. Quand on va dire les trafics, ce sont des différents échanges. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Donc ils vont trafiquer de vous. Depuis l'année parlée des chrétiens, il dit qu'il y a eu parmi des peuples des faux prophètes et il y aura des mêmes parmi vous. Parmi, c'est surtout au milieu chrétien, parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Moi, je suis mon église, c'est ceci. Mon église, c'est ceci. Il l'introduit au milieu chrétien. Donc il y a les sectes milieu chrétiens avec des noms chrétiens, des pasteurs chrétiens qui s'appellent chrétiens, mais qui sont des sectes. Et quand ils vont prêcher, ils vont dire que les francs-maçons sont des sectes. Pour là, c'est évident. Mais on dit que le véritable danger, c'est parmi nous. Il dit par cupidité. On va lire maintenant tout à l'heure. Viens prendre ta Bible, viens ouvrir. On va encore voir une autre caractéristique d'entre ces personnes-là. Donne-moi ta Bible, maman. Nous sommes dans deux pieds là maintenant. On lit maintenant le livre des Philippiens, chapitre 3. 2 Pierre 2. Oui, 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 5. On lit ce moment. 17 et 18. Donc nous sommes dans Philippiens chapitre 3, les versets 17 et 18. Soyez tous mes imitateurs. Oui. Frères. Et porter les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, l'apôtre Paul dit par exemple, il commence par dire qu'on soit ses imitateurs et qu'on porte les regards, parce qu'il ne peut pas être partout, ou parce que tu n'as pas vu la vie de Paul, ce n'est que l'écriture qui nous donne comment il marche. Puis il dit maintenant que, et aussi sur ceux qui marchent d'après le modèle que vous avez vu en nous. Donc, ça veut dire que pour que je regarde un prédicateur, que je le considère comme un prédicateur de Dieu, il faut que je voie qu'il marche d'après les apôtres. Si ce n'est pas d'après ça, même s'il bavarde n'importe quoi, l'arbre qui est vert devient rouge, c'est un faux. Il dit, et d'après ceux qui marchent d'après le modèle que vous avez vu en nous. Après, il va expliquer le pourquoi il a dit cela, pour que nos regards ne quittent pas. Donc, la Bible nous a tout donné pour qu'on reconnaisse le vrai du faux. Puis, le verset 18 commence par quoi, maman? Verset 18, là, la suite. 18 dit, car. C'est le premier mot là-bas. C'est le premier mot là-bas. Il dit, car, pour justifier le pourquoi, il dit que vos regards soient sur eux et sur ceux qui marchent d'après le modèle. Donc, ça dit, si quelqu'un marche pas d'après le modèle, ne le considérez pas. Le Seigneur Jésus avait dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, il faut qu'on regarde le fruit qu'ils portent. S'ils ne portent pas les fruits de l'original, alors il faut rejeter cela. On ne peut pas aller sur une goyave, vous voyez la papa, vous prenez la papa, vous mangez. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, et Jésus a même posé la question là-bas, cueille-t-on de figuier sur des avec notre langage, est-ce qu'on peut cueillir le goyave sur le manguier? Non, c'est pas possible. Alors, quelqu'un qui est serviteur de Dieu, on ne peut pas aller dans sa vie ou prendre la cupidité. Parce que l'arbre de la cupidité ne peut pas venir du Saint-Esprit. Saint-Esprit ne produit pas la cupidité. Mais pour les prédicateurs, on parle de douceur, de bonté, et étant des gens de bien, hospitaliers, propres dans sa conduite, réglés dans sa conduite, n'étant pas orgueilleux ni arrogant, ainsi de suite. On va lire les conditions là-bas. Quand on va lire les conditions pour être un conducteur, l'une des quelques conditions, vous allez voir effectivement que ça disqualifie beaucoup de ce que vous appelez homme de Dieu aujourd'hui. On va lire et vous poser tout simplement des questions. Maintenant, il dit ici, car, je recommence encore dans ce verset 17, il commence par dire qu'on soit ses imitateurs et qu'on ait le regard sur lui et sur tous ceux qui marchent d'après le modèle qu'on a vu en nous, en lui, en ce temps-là. Puis il dit, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Donc il y en a plusieurs. Donc il y a plusieurs prédicateurs qui se prennent pour prédicateurs, mais ils sont ennemis de la croix de Christ. Que la famine veut... Non, ne t'inquiète pas, c'est là que ça se trouve. Il dit quoi? Maintenant, regarde encore le suivant, oui. Le 19. Non, après le 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Oui. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Stop. L'apôtre Paul, en ce temps-là, voyant le danger qui se trouve au milieu chrétien, parlait en pleurant. Aujourd'hui, ces faux-là sont considérés comme vrais, jusqu'à ce qu'ils ont établi maintenant la ligne droite. Et on a vu dans 2 Pierre que plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Oui. Les pasteurs vont prêcher maintenant la vraie doctrine. La voix de la vérité est calomniée. On dit c'est vous les pasteurs qui font, vous qui faites ceci. C'est vous qui faites ceci. Tel pasteur a divisé telle famille. Oui. Tel pasteur a couché avec telle femme. Et les gens entendent ça. D'autres savent même que le pasteur s'y m'a dragué. Le pasteur s'y est allé vers moi à l'hôtel. Le pasteur s'est fait ceci, mais il continue avec ce pasteur-là. Pourtant, ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Donc, ce qui veut dire qu'au temps de Paul, c'était déjà. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, dit la Bible. C'est quelque chose qui s'est passé dans la Bible, déclare que dans le siècle précédent, ça s'est trouvé. Donc, le problème, c'est que ce n'était pas répandu et ostentatoire comme maintenant. Ce n'était pas aussi visible maintenant où on fait tout, on nargue Dieu. C'est pour ça qu'il a dit je pleure. Et il dit je parle comme je vous ai déjà parlé et j'en parle encore maintenant, encore en pleurant. Puis il va les indiquer encore comment les caractériser. Allons-y, maman. Leur fin sera la perdition. Oui. Ils ont pour Dieu leur ventre. Stop. Ils ont pour Dieu quoi? Leur ventre. Lorsqu'on lit ce genre de passage, on doit s'asseoir ainsi et réfléchir. L'apôtre peut dire qu'il, en parlant de ceux-là qu'il parle en pleurant. Ils nous ont rendu étourdis. On ne réfléchit même. Ah ah. Donc, il faut faire des choses. Quoi, maman? Anguille, ouais. Aïe, papa. Non, mon garçon. Non, nous, c'est ta Bible là, non? Oui. Nous sommes en train de lire tout simplement ce que Dieu a dit pour nous mettre en garde. Ça, c'est encore les mises en garde pour qu'on ne tombe pas dans les pièges que vous en avez tombé. Si on compte l'argent, tu as dépensé peut-être même 3 millions là-bas. Et 100 maisons. 100 maisons. 100 maisons. 3 millions où? Depuis 94 que j'ai donné ma vie au Seigneur. 94? Courage, d'accord. C'est ça que j'ai dit à ma fille que si c'était que c'est pour les titres, on m'a demandé même 3-4 fois. On veut me consacrer diaconesse, j'ai refusé. Oui. On veut me consacrer ancienne, j'ai refusé. Oui. Ceci, cela. C'est là que lui disait que si maintenant j'avais accepté tous ces titres dans l'église, on devait t'attacher là-bas. Et que ce temps-ci maintenant qui vient, qui est en train de vouloir venir, vienne. Oui. C'est que je vais faire comment? C'est que tu vas voir que la gloire des hommes, la place, l'honneur qu'on t'a donné, tu vas laisser. Tu vas devoir accepter que Dieu te brise au détriment de la vérité. Ou bien soit te compromettre et rester là-bas. Beaucoup de personnes voient cela et que c'est clair. Et maintenant, elle devait faire comment pour amener ce qu'elle a prêché? Ce serait un scandale. Ce serait un scandale, c'est un scandale. Moi, je suis quelqu'un que quand c'est pas droit, on ne marche pas droit comme ça là. C'est ou bien c'est ça, ou bien c'est pas ça. Mais j'ai dit qu'elle ne veut pas le titre. Tu avais fui toi, maman. Ouais. Il fallait essayer de tenter de comprendre. On va toucher le cadre des titres des diaconesses et les conditions pour être diaconesses et particulièrement l'ancienat. L'ancienat n'est pas fait pour les femmes. Le titre d'ancien, ce n'est pas pour les femmes. Il n'y a pas de femmes anciennes dans l'église. Ils nous trompent comme ça. Il n'y a pas de femmes anciennes dans l'église. Ça ne se trouve pas dans la Bible. J'ai seulement lu dans Corinthiens, les pasteurs femmes. Où ça? Dans Corinthiens, qu'il n'y en a pas, il ne faut même pas. On a même dit que ce n'est même pas le pasteur. On a dit que la femme, ce ne permet pas à la femme d'enseigner. Que la femme ne doit pas enseigner. Ce n'est pas son rôle. Mais les femmes enseignent aujourd'hui. Mais c'est ça que je suis en dire justement, que quelque chose est écrit, on fait autre chose. Et c'est arrivé ici en Goudibakoko, j'ai vu, depuis que je suis née. Je n'avais jamais vu une femme prophète. J'ai vu ici, à l'église qui est ici. Même chez nous là-bas. Femme prophète. Vous avez vu ça alors? Enfin, vous avez comme ça. Et habillée, hein, comme les pasteurs. Non, comme les prêtres là. Avec la soutane. Avec la soutane, avec leur. Les tuniques là. Leur tunique et leur banderole. Les banderoles des prêtres prophètes. Elle prenait le micro et parlait. Celle qui vient ici pour faire l'enseignement. Alors je pose la question. La question que je t'ai posée, c'est ceci. Lorsque vous voyez ces choses là, soit c'est la Bible qui est fausse et eux ils ont raison, soit ils ont raison et la Bible est fausse. Parce que l'Écriture dit qu'on ne doit rien y ajouter, on ne doit rien y retrancher. L'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 20 qu'il a donné tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Il a donné tout le conseil de Dieu. Ce qu'on doit savoir sur le fonctionnement de l'Église, c'est dans ta Bible. Alors, les femmes prophétesses aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Ça c'est le téléphone, non? Oui, c'est le téléphone. J'ai pris cela pour que si on coupe la lumière, là, c'est ça que j'aime. Donc, si on coupe la lumière, là, on va faire comme ça. on va lire. C'est tout prévu pour qu'on puisse lire. On va lire aujourd'hui parce que si on coupe la lumière là, on ne doit pas rester dans l'obscurité. Donc, il s'agit de dire ici que. Vous allez m'acheter le mien comme ça. Il y a pas de problème. L'argent. Il y a pas de problème. Moi, tu vas partir avec cela, d'accord? Tu vas partir avec. Papa. Il dit que il va prendre, il donner l'argent, il va m'acheter parce que j'ai un semblable. Mais il a fait 4 ans. Oui. Ça dure. Hein? Oui, ça dure beaucoup. Tous les jours par terre. Alors, maman. Restons dans ce qu'il est là parce que mon âme est en train de bouillir dedans. Oui. Dieu a tout fait pour nous prévenir de ne pas entrer à la dérive. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Et même ces passages-là, c'est même ces passages-là. Que si vous avez la révélation de qui vous osez. Êtes. Oui, osez. Il recite, non? Cela. Mais il ne cite, peut hein? jamais parler de faux prophètes. Oui, management, il ne peut pas parler de faux. Comment? Parce que le faux biais, il ne peut pas dire que je suis le faux biais. Le faux biais vient seulement pour s'infiltrer au milieu de vrai. Manqué. Donc depuis 94, tout ton argent que tu as donné là, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Parce que même avec ta propre bonté, si tu dis que je suis trop sérieux, tu prends le maïs, tu vas semer dans le cours d'eau, ça ne poussera pas. C'est fait pour être semé dans la terre. Alors, c'est vrai, on dit que il y a une recherche de Dieu qu'on doit avoir. Beaucoup de personnes lisent la Bible, voient la Bible écrite, rejettent la Bible, croient aux espérances des hommes qu'on raconte. Et donc maintenant, comment la Bible déclare dans 1 Timothée qu'à la fin des temps, plusieurs personnes fautes vont venir avec les doctrines des démons. Et comme les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, tu vas réussir. Ta situation va changer. Je te dis que cette année, c'est ta situation. C'est ton année. Tu vas te marier. Hey, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Que c'est ton année ici. Tout ce qui dévorait, si vous donnez les offrandes ici, je vais prier. Dieu va détruire tout ce qui dévorait ta semence. C'est des histoires. Dieu, on ne monnaie pas Dieu, on ne fait pas. Et la preuve en est que vous faites comme ça l'année prochaine, vous faites la même chose. Vous détruisez les hôtels aujourd'hui, vous reconstruisez. Vous détruisez, ça ne change pas. Vous traversez chaque année, vous n'arrivez jamais. Elle dit qu'un jour, elle a perdu l'argent. Le pasteur lui a dit que si tu as égaré l'argent, c'est parce que tu ne payes pas les dîmes. Non. Trois jours. Ce n'était pas ça. J'avais c'est un prophète ou c'est un pasteur? J'avais un restaurant. Je suis tombée malade, le palais m'a arrêté. J'ai fermé. La mamie de porc et pique était, le ndola était, le coq était. Bon, après, je me suis sentie fatiguée, je suis allée me coucher. Pendant la nuit, les gars du quartier ont tout ramassé, même jusqu'aux marmites, versé même l'eau. Ils ont mangé. Ok, je viens maintenant, c'était lundi qu'ils ont fait ça. Mardi, il y avait la prière. J'étais là frustrée. Le passé, le pasteur me demande, Amandoumbe, je dis oui, ça va, je dis ça ne va pas parce qu'on m'a volé hier là, on a ramassé toutes mes mamies, maintenant, il me dit, c'est parce que tu vis dans le péché. Directement, il te dit ça comme il ça. Il me dit comme ça, devant les autres fidèles. Ok, je dis c'est bien, merci, parce que vous me révélez quelque chose. Après, il dit ça mardi, lui-même. Dimanche, on va là-bas, on casse son assurance, on ramasse tout. On sort avec les papiers. Les papiers, pas du tout, le bureau, les ordinateurs, tout. On brûle. Dehors, devant. Il était en haut. Oui. On est descendu avec tout, on a brûlé. Brûlé en bas devant l'immeuble. Après, il le racontait alors Andy Boom à son frère. Oui. Après. Quand j'ai compris, je me suis arrêtée. J'ai dit, parce que vous dites que quoi? Elle dit, non, ça ne vous regarde pas. Après, je demande à son frère que mais le pasteur est en train de raconter comme ça. Il ne rit pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit qu'on a cassé le bureau du pasteur. Moi aussi, comme c'était à l'entrée de l'église, je dis que parce que vous vivez dans le péché aussi, vous ne croyez pas cela. Hein? Mais quand le pasteur dit comme ça, ça t'a fait mal. Dis ça, hein? Quand le pasteur t'a dit comme ça, vous allez traduire. Quoi, c'est le parlant en langue, vous faites là maintenant. Vous allez traduire pour les autres. Quand le pasteur a dit en premier lieu que tu vivais le péché, et quand tu l'as regardé, quelle était ton intention à l'intérieur? Non, ça comme je me repente, non. Mais attends, tu vivais dans tes péchés. Est-ce qu'on vole à quelqu'un qui a péché? Et lui, mais quand tu lui as remis la pièce de la médaille? J'ai même fait 2 semaines sans aller à l'église. Pourquoi? Parce que je n'avais pas le courage. J'ai parlé à mon... À ton conducteur? À mon conducteur. Et ça l'a frustré aussi. On dit que Dieu nous punit comme ça. Qui dit ça? Oui, moi, nous-mêmes. Oh, et qu'on ne touchait pas à mes oies. Comme David. Oui. Ok, Dieu t'a demandé, Dieu t'a dit qu'il est loin de lui. Je sais. C'est ça le problème. Ok, maintenant. Alors, regardons le modèle des gens qui sont loin de Dieu. Nous sommes dans Philippiens au chapitre 3, le verset 18, il dit. Enfin, tu vas noter après, donc. Nous sommes dans les lits là-bas, il dit que. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Mm-hmm. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Il dit que ils ont pour Dieu leur ventre. Ça commence à poser des questions. Mm-hmm. Ils ont pour Dieu leur ventre. Donc s'ils sont ennemis de la croix, parce que l'évangile c'est prêcher ce que Christ a fait, la souffrance. Christ nous a souffert lui-même, nous montrer un exemple afin qu'on suive son trace. Mm-hmm. Ceux-ci ne prêchent pas sur les souffrances. Ils ne prêchent pas sur les souffrances des chrétiens. On prêche sur ce qui va donner quelque chose de ventre. C'est pour ça que ça, l'évangile va tourner autour de la prospérité, le bien matériel. Enfin, on va lire là-bas, c'est pas moi qui dis. Ils ont pu dire leur ventre. Vous voulez souvent dire, ils ne pensent qu'aux choses. Ils mettent leur gloire dans ce qui est, qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons ainsi aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a deux styles d'évangile. L'évangile des gens qui se préparent pour le ciel, d'autres qui vont préparer les gens pour le bien terrestre. Et la Bible déclare que ces gens-ci, quand ils prêchent n'importe quoi, leurs prédications tournent autour de ce qu'ils vont manger. C'est ce qu'on vient de lire là. C'est vrai. Ça ne peut pas être autrement que vrai. Donc on nous a donné, et dans 2 Pierre, il avait dit par cupidité. En haut, on ne vit pas avec la cupidité. Quelqu'un qui va dans le ciel, Jésus a dit que là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Okay. Parce qu'ils n'ont pas été appelés par Dieu, il faut qu'ils utilisent les voies et moyens avec ce que l'Écriture a pour pouvoir subjuguer les gens et prendre les structures de l'argent. Ce n'est pas nouveau. Quand le Seigneur Jésus était sur la terre, dans Matthieu 23, il va fustiger le groupe des docteurs, fustiger les pharisiens, fustiger les scribes, ceux qui étaient versés dans les Écritures. Il dit, Matthieu 23, il dit, vous payez la dîme de la menthe et du cumin. Et vous avez dans la loi, vous oubliez, vous négligez la justice, la fidélité et la miséricorde. Il dit, vous payez les dîmes de la menthe et du cumin. C'est-à-dire que le cumin, ce sont les produits de la terre et autres. Il dit que vous êtes chaud dans l'église, dans votre église, pour pouvoir payer. On prend le langage d'aujourd'hui. Pour payer la dîme de ceci, la dîme de ceci. Alors que, selon ce que prescrit la loi, il dit que voici ce que vous devez faire. Disons cela dans ce Matthieu chapitre 23. Ouais. C'est encore là. Matthieu. Okay. Chapitre 23. Regarde le verset 23. Le verset 23. Malheur à vous. Malheur, malheur, malheur. Si tu prends, si on est parisien, tu mets seulement pasteur, le moderne, tu vas voir que c'est la même chose. Ils portent les soutanes, ils aiment les premières places dans les églises, ils aiment les premières places dans les festins. Ils aiment être salués sur la dent. Tu leur dis frère, c'est un problème. Il faut dire que révérend. C'est écrit là-dedans. Papa, Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens. Oui, hypocrite. Hypocrite. Parce que vous payez la dîme de la menthe. Oui. De. Et du cumin. Non, on n'a pas écrit cumin. Okay. Ou la nette. Et du cumin. Oui. De la menthe, de la nette et du cumin. Oui. Et que vous laissez ce qui en fait, ce qui est plus important, dans la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce que c'est qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc, c'est ce qu'il fallait pratiquer. C'est ce qu'il fallait. Donc, vous devriez faire plutôt ceci. Vous devez pratiquer la justice, la fidélité, la miséricorde. Vous êtes là, dîme ici, parce que ça fait, parce que là-bas, la dîme, il y a la nourriture. Oui. On va même jusqu'à dire que payer la dîme, bon, l'avance de la dîme, si tu as même 100 francs, 50 francs, viens donner, tu dis à Dieu que si tu me bénis, je vais payer. Donc tu payes même la dîme par avance. En condition. Tu dois payer. Et quand tu ne payes pas, tu viens payer en dette. Tu as les dettes. Moi, je ne suis pas là. Tu as une dette. Dis à Dieu que le jour que tu me donnes l'argent, je viens donner. Si je n'ai pas, je reste. Pas de vœux. On vous a donné les enseignements sur les dîmes particulièrement de la Bible. On peut donner ça. Et quand vous priez, parce qu'on vous a seulement, on prend seulement Malachie chapitre 3, que puis venez apporter à la maison de l'Éternel. Pour qu'il y ait de la nourriture. C'est pour ça que vous êtes frappé par les malédictions. Ouais, Seigneur Jésus. Alors je pose la question, maman. Quand tu parles là-bas, tu peux donner, c'est la maison de Dieu là-bas. Oui, non. Donc c'est là-bas que Dieu habite. C'est là-bas que Dieu habite. Dieu est dans le cœur. Ok, en un doucement. Si Dieu est dans le cœur, tu as d'aller dans ton cœur pour donner la dîme alors. Mais. Attends, il prend une écriture, tu lis, toi-même tu me dis ce que tu vois. Dingo. Je sors de là au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais c'est pas, j'avais dit à Dieu que je ne suis pas venu là pour mourir dans une église. Bon, attends, lisons ici. Ok. Lisons à partir du verset 22 ici. Lisons doucement et suivons le parcours de l'apôtre Paul là-bas. Nous sommes dans Actes chapitre 17 à partir du verset 22. Allons-y, maman. Lisons. Si on est en train de dire tous ces passages-là, je n'écris pas. Actes chapitre 20, chapitre 17, verset 22 et suivant. Allons-y. On était Matthieu combien? Matthieu 23, 23. Paul acte debout. Acte combien, pardon? Acte 17, verset 22 et suivant. Verset 22 jusqu'à 30, note jusqu'à 30. Oui. Paul, debout au milieu de l'Areopage, dit, homme Athénien, je vous trouve à tout égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un dieu inconnu, ce que vous verrez sans le connaître. C'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Regarde-moi. Ça, c'est ce qu'on a dit à maman. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre, étant le Seigneur de tous, il habite où, maman? Il n'habite pas dans le temple fait avec les mains d'hommes. Mais tu as dit tout à l'heure que votre église, c'est la maison de Dieu, non? Mais c'est ce qu'on nous dit. Non, parce que comme Salomon a construit le temple... On nous dit que c'est, l'église, c'est le rassemblement des saints. Donc? Maintenant, bon, comme ici, non, les témoins de Jéhovah, là. Maintenant, ils se rassemblent pour se reconnaître. Pour se reconnaître. Donc, supposons que c'était le lieu de rassemblement ici. La maison aussi, c'est la maison de Dieu, alors, dans ce cas. Oui, non. Donc, quand ils sont partis, maintenant, il y a Dieu là-bas. Oui. Dieu reste là-bas. Oui. Ok, maintenant, comme nous nous rassemblons maintenant, plutôt ici, là, maintenant, sur la table, en plein route ici, là. La route ici, c'est la maison de Dieu. Dieu est ici parce qu'il a dit que là où deux ou trois sont à son nom, il est là. Ok, donc ça veut dire que c'était dans la chambre quand tu étais réunis. Même chose. Même chose. Ça veut dire que le soir, quand tu te rassembles avec, par exemple, ta fille, tu veux prier pour dormir, il est là. Il est là. Dans ce cas, il faut amener ta dîme là-bas. Quand tu es en train de la prier, quand tu es en train de parler dans la rue, tu payes ta dîme. Si tu es dans la voiture, vous êtes à deux, tu payes ta dîme là également là-bas. Quand on voyage, tu es dans le bus, on commence à parler de Jésus. Parce que quand on commence à parler là, de Jésus. Là, quand on se rassemble pour prier maintenant, à trois là, il est là. Oui. Et donne ma dîme à qui? Oui, mais non, là, non, attends. Ils sont en train de expliquer la chose. Il n'a pas dit là où deux ou trois sont assemblés pour prier. Il a dit là où deux ou trois se rassemblent en son nom. Donc, dès qu'on est en son nom, il est au milieu. Il ne s'agit pas de prier. Nous parlons de lui là, n'est-ce pas? Alors maintenant, ça se pose donc que c'est sa maison ici alors. Parce qu'il est présent. Donc, si on était dans la voiture en train de rouler pour aller quelque part et puis on commence à parler de lui, il est là. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, de façon explicite, on dit le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Étant le Seigneur de tous, tu as relevé. Il a révélé, oui. Étant le Seigneur de tous, n'habite point de temple fait de mains d'hommes. Qui a fait cela? Les hommes. Alors, la Bible avec est claire. Avec l'eau sale, avec le tout. On dit donc que Dieu n'habite pas là-dedans. Hein? Comment donc la Bible peut dire que Dieu n'habite pas là-dedans? Vous vous dites que c'est la maison de Dieu. Je ne peux pas comprendre comment la Bible dit autre chose. Nous disons autre chose. Mais la Bible nous dit de façon claire et directe. Parce que si Dieu n'habite pas là-bas, il faut qu'on dise là où Dieu habite. Il habite dans le cœur des hommes. Alors s'il habite dans le cœur de l'homme, Dans ce cas, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Si ton corps est dans le temple du Saint-Esprit, comment tu peux le... Comment au jeu, au monde, parce que tu marches, tu marches avec lui. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Alors, comment tu peux donc venir dans la maison de Dieu le même vide alors que c'est toi qui constitues dans sa maison? Tu vois que ça n'a pas de sens, n'est-ce pas, pour le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on peut dire là maintenant jusque-là? On a parlé jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on peut bien dire sur ce qui vient d'arriver? L'être humain, et particulièrement les religions, sont pris du vertige de fausses doctrines. On est pris du vertige parce que les choses sont claires. On ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. Vous dites chez vous que c'est la maison de Dieu. Un de ces jours, le gouvernement vient fermer. On ferme la maison de Dieu, les gens se fâchent. D'autres personnes bagarrent même juste parce qu'on divise. Non. Bien, pour d'autres personnes encore, c'est le bailleur qui vient les chasser à la maison. Dans la maison qu'ils louent parce qu'ils n'ont pas payé les bail. Ils ne payent pas. Ils font même les faux papiers. Les faux papiers. Pour arracher la maison des gens. Pour arracher la maison des gens. Et toi, sachant toutes ces choses, étant à l'intérieur, tu penses que Dieu peut être dans la fausseté? Lisons. Oko, maman. Oh, là où il y a l'église, là, l'hôtel, où c'est où, là. Ils font dans l'hôtel, après les prostituées vont faire la même chose là-bas. Voilà. Et donc, en ce temps, le Dieu est là-bas. Dieu est là-bas. Lisons. Je donne un passage, je sais. Courage, maman. Mon cœur veut tomber. Non, ne t'inquiète pas. Dieu va arrêter ton cœur. Il va restaurer. Dieu restaure. Le Seigneur Jésus est bon. Mmh. Regarde ici. Verset 6. Ah oui. Nous sommes à 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Normalement, prendre du verset 4, du verset 3 à 8. Donc, mais elle va lire du verset 6 à 8. Allons-y, maman. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que Dieu tire. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Les pasteurs sont dans le vol, la fraude et la cupidité. Et la Bible déclare que ce que Dieu veut, c'est que personne n'use de fraude et de cupidité dans les affaires. Mais quand le pasteur veut faire des affaires, ils disent que non, Dieu n'est pas là-dedans. Que les affaires sont les affaires. Dieu n'est pas dans le business. Et Dieu, la Bible dit que Dieu t'y voit toutes ces choses-là. Puis verset 8, il dit quoi? Nous sommes à 7. Oui, non, je dis 8. Ça, il dit verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son salut. Son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit, oui. Voilà. Donc, il dit si quelqu'un rejette ces choses qu'on vient de dire là, il vient de rejeter Dieu. Donc, l'être humain peut servir Dieu sur la terre en croyant qu'il avait Dieu, alors que Dieu ne le connaît pas depuis. Il avance seulement en enfer. Il dit si quelqu'un rejette déjà ces choses là, c'est pas une autre chose. Il attise son feu. Oui, il attise son feu. Tout ce qu'il mange là, ce sont les billets qui vont brûler pour lui sur l'enfer. Alors. Frère Junior, pourquoi oui. Quand. Maman, tu as enlevé, tu as écrit. J'ai écrit. Ce matin, quand j'ai lu. C'est quel chapitre que je t'ai parlé aujourd'hui? Un Corinthien. Non, c'était pas un Corinthien, c'était dans Zacharie. Oui. Oui. Là où Josué, c'est Josué, oui. Oui. Josué. Le sacrificateur était avec la bise sale. Sale, voilà. Mm-hmm. Il était avec la bise sale et il y avait l'accusateur là-bas pour l'accuser. L'accusateur était là pour l'accuser et directement Dieu est venu le restaurer. Le restaurer. Oui. Je ne sais pas comment. Mais il était sacrificateur. Il était sacrificateur. Voilà. C'est ça. Ce que je veux poser, c'est que. Oui. Bon, comme nos pasteurs, oui. ils sont dans, pour le moment dans la fausseté. Oui. Mais Dieu aussi, s'il est ouin... Non, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Mm-hmm. La Bible nous révèle clairement. Il faut qu'on lise ces choses. Hein. Parce que c'est la Bible qui le dit. Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 24 qu'il s'élèvera des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc ça veut dire qu'ils vont porter le nom de prophètes, de pasteurs, mais ils n'en sont pas. Donc en réalité, au milieu de nous, au milieu des chrétiens, se trouvent des vrais prophètes et des faux. Des vrais pasteurs et des faux. Et c'est pour ça que la Bible nous donne le discernement pour savoir lequel est de Dieu, lequel n'est pas de Dieu. Si vous rejetez la Bible pour ne pas lire la Bible, pour ne pas les tester d'après la Bible, vous n'aurez pas d'autre chose que de croire aux faux prophètes. Parce qu'on a dit ici qu'il y a eu parmi les peuples, dans deux pays qu'on a lu en premier lieu ici, qu'il y a eu parmi les peuples de faux prophètes, il y en aura parmi vous. On a dit qu'il y aura parmi nous. Donc quand on dit le chrétien, faites attention, il y aura parmi vous. Nous sommes en plein, nous sommes les chrétiens. Ça suppose que certainement, à 100% sûr, il y a des faux pasteurs. À 100% sûr, il y a des faux docteurs. Va dormir, Jonathan. Alors, il dit qu'il y aura parmi mon vous. Mon bébé va dormir, hein. Je suis à l'école. Moi, je t'ai dit que je m'en vais à l'école. Alors, ce que nous devons faire, toi et moi, c'est de vérifier maintenant que, ok, comment on est qu'il y aura parmi vous? Je commence à regarder. C'est un danger. L'homme qui est devant moi qui prêche, est-il un vrai pasteur? Moi qui suis en train de vous parler, vous devez examiner si je suis, il respecte les règles des Écritures en tant que pasteur. Et pour cela, vous devez connaître les Écritures. Vous devez savoir maintenant que Jésus dit que prenez garde. Quand il dit prenez garde, il dit faire attention. Bon, comment donc faire attention? Comment? Puis il donne la réponse. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Si un homme passe ici, comme ça, tu le regardes, il dit que tu connais celui-ci. Tu regardes le visage. Si le visage n'était pas familier, tu dis, je le connais. Pas. Si c'est quelqu'un qui te reste, qui te fait, que peut-être tu as fréquenté, tu dis, le visage me dit quelque chose. Donc au moins, tu le connais avant que tu aies oublié. Mais si c'est quelqu'un qui ne te connaît pas, tu dis, je ne te connais pas, je n'ai pas de relation avec toi, c'est ainsi. Or, Jésus connaît les siens. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et viendront. Donc ceux-ci n'ont jamais été ces brebis. Mais ils sont glissés au milieu d'eux pour paître et brouter au milieu des chrétiens. Alors si Dieu nous a dit, le Seigneur Jésus nous a dit en premier, le Seigneur Jésus étant sur la terre, il dit prenez garde, prenez garde. L'apôtre Paul dit que prenez garde. Tout à l'heure, l'apôtre Pierre dit qu'il y aura parmi vous. Veillez sur vous-même. Alors, dans ce livre des Actes des Apôtres, regardons au chapitre 20, l'apôtre Paul s'entend donc sa fin alors qu'il va être transporté à Rome. Sachant que les anciens veulent voir son visage, il commence son épilogue là. Au verset 20, à partir du verset 20, donc Actes chapitre 20, verset 20 à 32. Allons-y maman, verset 20 de Actes apôtre 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Oui. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Oui. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la loi en notre la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit de que des liens et des tribulations m'attendent. Oui. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Oui. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Oui. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Oui. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on doit savoir, que Dieu voulait qu'on sache, il l'a annoncé. Il a annoncé. Il a dit qu'il n'a pas qu'à cacher. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un veut annoncer que c'est une nouvelle relation qui sort du ciel, c'est le mensonge. Ce que Dieu veut qu'on sache, c'est écrit. Avançons. Prenez donc garde vous-même. Vous avez vu? Voyez. Prenez donc garde à vous-même d'abord. Ici, il s'adresse aux anciens de l'église. Parce qu'au verset 17, ils ont dit que des milliers, Paul, il fait appeler les anciens de l'église d'Éphèse. Quand ils sont venus, on s'est rassemblés là-bas, il a commencé à leur donner les indications. Ils disent, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. Oui. Qu'il s'est acquis par son propre sang. Oui. Je sais qu'ils s'introduisent parmi vous. Qu'ils s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Stop. Vous avez vu ce qu'il a dit? Il dit clairement qu'il sait. Donc comme il parle comme ça, quelque chose va vous arriver. Il commence à dire aux anciens de l'église que je vous dis ce que je devais dire. si vous égarez, les gens, c'est votre problème. Moi, je suis pur de votre sang parce que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Moi, comme je parle, je vais me dégager devant vous, devant le Dieu du ciel. Sachez que c'est l'Église. C'est le Saint-Esprit qui vous a établi sur l'Église. Ça n'a rien à voir avec moi. L'Église, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il a acquis cette Église-là de son propre sang. Donc, prenez donc garde à vous-même et sur tout le troupeau sur lequel il vous a établi pour perdre. Vous voyez, n'est-ce pas? Puis il dit, je sais qu'après mon départ, c'est les choses les plus tristes de la Bible ici. Là, quelqu'un avec la vision de l'aigle, regardant dans le futur ce qui va arriver, se tournant vers vous pour dire la vérité. Il dit que comme je parle, il sait qu'après mon départ, ils s'introduiront parmi vous, il dit des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Donc quand il vient, ce n'est pas pour blaguer. Ils s'introduiront des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Continuons. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous. Stop. Donc, il y a d'autres qui vont sortir de l'extérieur pour entrer. D'autres qui sont déjà infiltrés. Des hommes qui enseignent. Qui enseigneront. Qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Stop. Alors, si il a donné cette mise en garde, et qu'il a dit à l'église et aux anciens d'abord de prendre garde en disant que certaines personnes vont venir entraîner les disciples avec les choses pernicieuses qu'ils vont enseigner. Donc c'est à cause de cet enseignement qu'ils vont enseigner qui va faire que les gens vont le suivre. L'évangile bonbon, venez vers ton mariage. Ton voyage a assez duré. Dieu a vu ta souffrance. S'aimer, donner le sacrifice que vous faites cher. Abraham a donné ce qui lui coûtait cher. David a dit qu'il ne donnerait point à l'Éternel ce qui ne met point cher. Il a donné ça, lui a fait mal, donné ce que vous faites mal. On entend des évangiles qu'on a aujourd'hui. Il dit, ils viennent comme ça, ils les appellent les loups cruels qui s'introduisent parmi nous. Et il dit, c'est lèvera au milieu de vous des gens qui vont enseigner, des hommes qui vont enseigner des choses pernicieuses pour entrer les disciples avec eux. Alors la question maintenant, on devrait se poser, qu'est-ce qu'on enseigne pour entraîner les gens et qu'est-ce qu'on ne devrait pas enseigner? Il faut que la question soit répondue. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un identifie aujourd'hui. Ça veut dire que il faut que je sois à même de dire que c'est voici les enseignements qui sont allés pour entraîner les gens dans le faux. Par conséquent, il faut qu'il y ait un enseignement qui est là pour régler la chose. C'est-à-dire que voici la norme. C'est-à-dire que si on a de s'écarter, qu'on sache qu'en réalité, c'est une déviance. Mais l'enseignement là, même si tu connais, tu vas enseigner où? Non. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien, justement. C'est pour ça qu'il a dit prenez garde, veillez sur vous-même. De telle enseignement qu'on ne vient pas enseigner, parce que tu connais les Écritures. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 2 que pour vous, l'onction que vous avez reçue de la part de celui qui est saint demeure en vous. Et comme son onction vous enseigne toutes choses et que son enseignement est vrai, demeurez dans cet enseignement. Sachez que ce que vous avez reçu dès le commencement est vérité. Mais il y a des gens qui ont changé. Il y a quelqu'un qui est démon de Jéhovah, il est musulman, il est musulman, il est catholique, il est catholique. Tu crois que celui-ci, il cherche quoi? Son âme est à tout vent de doctrine. Alors ce qu'on doit faire, chacun de nous, c'est examiner les Écritures, prier devant Dieu de dire Seigneur, préserve-moi de l'eau cruelle. Donne-moi des loups cruels. On a dit clairement que des loups cruels. Et quand ils viennent pour prendre votre argent, livrer votre âme au diable. On parle des trafiquants d'hommes. Comment la Bible a dit? On dit dans Babylone, on trafique des âmes d'hommes. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 18. Donc vous restez dans ce système babylonien, on trafique vos âmes. Hein, dans un seul moment, il faut doubler avant de s'asseoir pour que ça soit celui. Ah, ok, c'est quoi le pied? Tu te reposes un peu. Courage, d'accord. Apocalypse chapitre 18, ça se trouve là-bas. Quand on le trouvera proche, les âmes d'hommes. Donc, ils trafiquent les âmes des êtres humains. Parce que quand tu pars chez le marabout, tu donnes quelque chose comme ceux qui font le trafic, ils font le money ritual. Ils font des trucs de trafic. On dit que faites chaud, vous voyez les femmes qui partent se déshabiller au carrefour, se laver en plein carrefour, ils montrent leur derrière, postérieur. Les gens filment. On maudit les gens. Après, va sortir, aller dans une autre ville, devenir riche. La question c'est, comme elle se dénude et s'expose, les gens sont en train de voir, quelle est la conséquence sur tous ceux qui sont en train de voir? Quelle est la conséquence sur leur vie? Quand tu vas venir voir, tu vas rire, tu vas quelque part, 2 ans, 3 ans, des choses commencent à t'arriver, tu ne pourras jamais faire une relation avec ce que tu étais là. Personne ne peut faire une relation, à moins que le Saint-Esprit te dise, tu as participé à un culte, à une orgie sexuelle. Les orgies sexuelles, ce sont les cohortes de démons qu'on est en train de libérer. Les gens ne savent pas. Mais quand les gens voient ça, chacun sur son portable, il est en train de fumer. Ouvre, ouvre, ouvre. Et vous jette les démons. Les trafics d'âmes d'hommes. Alors pour qu'elle puisse avoir l'argent, il faut qu'elle livre en premier lieu les âmes des hommes. Quand elle va avoir cet argent, elle va épouser quelqu'un, coucher avec les hommes, continuer à vendre leur âme. Ils ont un but, amener les âmes en enfer. Oui, oui. C'est Jésus qui dit que tous ceux qui sont à moi, oui. Je les ai sur ma main. Oui. Voilà. Donc autrement dit, Dieu suivait tous ceux qui sont sur sa main. Oui. Ça veut dire ceci, s'il y a un enfant de Dieu parmi le groupe. Dieu va le délivrer. Dieu va le délivrer de toute façon, parce qu'il a dit aucune de ses bébés ne sera perdue, parce qu'il est mort également pour lui. Bon, et ceux qui viennent aussi dans le comme on a dit, ils se leveront parmi vous, oui. Les mauvais docteurs. Oui. Voilà. Et ceux qui trafiquent donc les âmes, oui. Des brebis. Oui. Donc ça veut dire que ceux qui sont à l'éternel, ils ne pourront pas. Ils ne pourront ceux pas le faire. Ceux qui cherchent vraiment Dieu. Ils ne pourront pas. Voilà. Mais c'est pour ça que les enseignements sont là pour les préserver. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 12, le verset 16, la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit en toute justice, afin que l'homme de Dieu soit prompt à toute bonne œuvre. Donc, et si la personne ne sait pas lire, il ne sait pas lire. N'a jamais lu. C'est pas tout le monde qui lisait dans les écritures ici. Quand nous avons la Bible dans, au point où tout le monde lisait, dans Colossiens chapitre 4, le verset 15 et suivant, il dit que lorsque cette lettre vous sera lue, parce que la Bible, il y a l'imprimé, on fait photocopier là, non, j'arrive là, maman. Lorsqu'on fait photocopier, ça passe rapidement. Là, avant ce temps, on écrivait, c'était fastidieux de recopier. Donc il dit, lorsque cette lettre sera lue, faites en sorte que vous lisez également ce qui viendra de l'Odyssée. Donc c'était les bouts de papier, on s'asseyait, on donnait les instructions, Les gens écoutaient, ils vivaient selon ces instructions. Comme on a lu dans ces intentions-là, il dit que si quelqu'un rejette ses instructions, ces préceptes-là, il ne rejette pas un homme. Mais Dieu. Donc chacun n'avait pas sa Bible, son rouleau comme on a aujourd'hui là. C'est pour cela que notre génération sera plus sévèrement à juger. Parce que chacun a sa Bible à la maison. C'est tous les formats, dans les portables, en audio, on peut dormir avec la Bible, un peu comment. Mais quelqu'un passe 6 heures de temps sur WhatsApp pour envoyer les totos en Israël. Toto a dragué une fille. Toto est entré dans le taxi, ça comme ça. Après il rit comme ça. Il rit. WhatsApp, ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a? Et la Bible est là, devant lui, il dépose la Bible. Quand il va finir sur WhatsApp, le moment où il est fatigué, il va dormir. Parce que la Bible, c'est le meilleur compagnon pour accompagner dans le sommeil. Il l'ouvre comme ça. Il dit, je vais lire demain. Le grand matin, il ouvre WhatsApp. 200 messages pour qu'il construise ses messages. En voyant que 10 heures l'a trouvé devant WhatsApp. Tu vois comment Satan nous a pris dans le filet. Il faut que l'être humain qui réfléchit se réveille. Moi, il dit que le portable là. Mais... bon, maintenant, en répondant à ta question, donc, en conclusion. Ils vont s'élever du milieu de nous. Lisons donc ce que la Bible dit de ceux qui vont s'élever du milieu de nous pour faire ces choses-là. Lisons le verset 17 de 1 Jean chapitre 2, verset 18. C'est surtout ici, verset 18 et 19. 1 Jean chapitre 2, le verset 18 et 19. On va finir maintenant, on va passer la parole à maman, elle va nous dire des choses. Petits enfants. Oui. C'est la dernière... C'est la dernière heure. Non, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, oui. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, oui. Nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, le signe pour montrer qu'on est vraiment à la fin, c'est le signe qu'il y a plusieurs antéchrists dehors. Et, il dit par là. Il continue à venir. Et là, nous retrouvons peut-être en l'an 100 où les gens ont écrit. Nous sommes 2000 ans plus tard. S'il avait dit qu'il y a plusieurs, combien il y en a aujourd'hui? Ah oui. Chacun se réclame de Dieu. Il y en a plusieurs. C'est pas fini, maman. C'est pas fini là. Non. Le passage là. Maintenant, lisons. Regardons maintenant où ils sont sortis. Allons-y. Ils sont sortis du milieu de nous. Stoppons là-bas. Tu as vu d'où ils sont sortis? En réalité, un franc-maçon ne peut pas venir te targuer d'être chrétien. Un sorcier ne veut pas, c'est pour ça que chacun dit qu'il c'est son Dieu. Mais le plus dangereux, c'est le fait qu'il se revête avec le vêtement chrétien. Parce que là, tu dis, je fais confiance à celui-là, parce que là, je vais le vivre avec la croix, avec le col pastoral, et je l'ai vu prêcher là-bas, il parle même à la radio, il a la Bible, donc je lui fais confiance qu'elle passe, alors que le diable qui est là-dedans. Je ne te coupe pas, frère Julien, c'est oui. Ce que Daniel nous disait ce matin, oui. Que Dieu ne dort quand même. Oui. A commencé à Yaoundé. Oui. Quand elle était, parce qu'elle a vécu à Yaoundé. Daniel, c'est qui? Sa copine. Ma copine. Ah, celle qui est à la maison là. La maman du bébé. Oui. Et qu'ils allaient prêcher ensemble. Avec elle. Avec elle. Ils avaient peut-être 14 ans comme ça. Il est né d'une famille de 9 enfants. Il a bien commencé son œuvre après Il est rentré dans des histoires. Il a voyagé pour aller au Nigeria. Quand il est rentré du Nigeria, ça a changé. Ça a changé. Il a commencé à traîner les foules comme ça. Il dit que quand même prêche, il fait le péroulé là, dans la salle. Il fait le péroulé. Mais peut-être parce qu'il fait son sport. Parce que ça a quelque chose. Non, il prêche. Mm-hmm. Il est en train de prêcher. Il fait le sport. Il fait le polongo. Mais... Alors, ce que je viens de dire, ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Il dit que petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist, parce que l'antéchrist va se manifester bientôt, la Satan incarné par ces choses-là, il dit, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Il dit par là, nous savons que c'est la dernière heure. Donc la dernière heure, caractéristique, plusieurs faux prophètes. Alors maintenant il dit, ils sont sortis, le vrai problème c'est qu'ils sont sortis du milieu des... Non. Ça veut dire qu'ils ont le langage chrétien. Mm-hmm. Langage chrétien. Extampie chrétien, parce que la Bible n'a pas interdit à quelqu'un de ne pas lire. Ou partez dans les hôtels, on met le préservatif, on met la Bible. Vous allez dans le bar, quelqu'un de bois, il a déposé la Bible à côté de la bière. D'autres déposent la bière là-dessus. D'autres vont mettre l'argent, ils mettent là-dedans. Vous allez dans le bureau d'un secteur, vous voyez le signe de la maçon derrière, là, la Bible devant lui en train de lire. Dans le temple maçonnique, la Bible est déposée sur leur hôtel. Ça, on n'interdit pas. Moi-même, j'ai l'argent ici. C'était 500 là-dedans. L'argent là? Oui. C'est le pasteur qui nous avait donné ça, le prophète. Oui. Il dit, oh, c'est là. C'est là que je parle dans le livre de Matthieu, oui. Luc là. Mais vous avez vu ça, pourquoi vous n'avez pas demandé? Je vais demander comment, est-ce mon argent? Seigneur, pardonne-moi. Uh-huh. Il dit, je donne l'argent à qui? Il dit à moi. Attends, vous êtes en pleine séance de culte. Qu'est-ce que l'argent vient faire? C'est la prédication sur l'argent. Je veux que tu expliques doucement, doucement. Ça a commencé comment? Il était en train de prêcher, prêcher. Il prêchait sur quoi? Sur la prospérité. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mm-hmm. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est ce qu'on a lu ici. Et il dit maintenant que si moi, il sort l'argent de son porte-monnaie. Oui. Il dit, si moi, je vous donne l'argent. Oui. C'est-à-dire que vous êtes séparés de la pauvreté. Donc si tu donnes l'argent, ça te sépare de la pauvreté. Mm-hmm. Oui. Maintenant, il dit, je donne à qui? N'est-ce pas? J'ai dit qu'à moi. Comme tu es souvent devant là, tu as levé la main directement. Je n'ai même pas levé la main. J'ai dit moi. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Il revient encore. Il dit que toi, je t'ai dit que si il te donne, c'est pas moi, hein, un autre. Oui. Toi, si, je t'ai dit que si il te donne l'argent, c'est fini pour toi. Tu ne pourras plus souffrir de la pauvreté. Quand il dit comme ça, chacun veut arracher. Bien sûr. Qu'est-ce que vous prenez, franchement, qu'est-ce que vous prenez aujourd'hui? Vous avez la Bible avec vous. Qu'est-ce qui prend les gens? Elles ont lu la Bible là. Quand vous parlez comme ça, vous m'avez alors maintenant, j'ai dit, moi, peut-être qu'elle est tombée même. Maman, en venant, apporte-moi un peu d'eau là, fraîche. J'ai dit, moi, il me donne, il donne, il a donné même à plusieurs personnes. Il donne peut-être 500. Il m'a donné, il donnait toujours 500. Vous devez changer en 500, 500. Je crois. Mais c'est pas votre argent que vous voulez donner. C'est ça, c'est ça, non. Il m'a donné alors, et puis moi, pour ne pas dépenser ça, j'ai mis ici. Bon. Quand tu as pris cet argent, quelle était ta pensée en prenant l'argent pour que la pauvreté finisse? Que mon père m'a donné l'argent pour manger, non. Il te donne 500 pour que tu manges. Et il dit que s'il vous donne l'argent, la pauvreté va s'arrêter dans votre vie. C'est comme ça qu'ils nous font. Mais Jésus, le maître, dit dans la Bible que vous aurez toujours les pauvres parmi vous. Ouais. Donc tu t'attends à ce que quand tu manges ces 500, si la pauvreté finisse? La pauvreté va finir, les pauvres est-ce vont finir. Ce n'est même pas, pour moi, ce n'est pas ça. Je sais qu'il m'a donné, j'ai gardé. Mais pourquoi tu as gardé dans la Bible longtemps? Non, j'ai gardé ça pour que je ne dépense pas ça. Pourquoi? Pour que ça attire l'argent. C'est ton intention. Oui. Ton intention, c'est que comme c'est dans la Bible, ça va faire que la prospérité va venir. Oui. Enlève ça dans la Bible de mon père. Ça, c'est le satanisme. Dieu a ses principes pour les bénédictions. La première chose, avant de s'approcher de Dieu, c'est qu'il faut comprendre qu'il faut sanctifier le nom de Dieu. Il faut le craindre. Dieu n'est pas un homme qu'on doit un peu manipuler. On fait ceci, ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il a noté, c'est votre sanctification. Dans 1 Pierre chapitre 2, il dit, je suis saint, vous serez saint. C'est ce que Dieu dit, vous êtes saint. La Bible déclare dans l'Ancien Testament, il dit, sainteté à l'Éternel. Nul impuni entrera, Apocalypse chapitre 21, verset 27. Aucun impuni entrera, il ne sera pas faire quoi, tout ce qu'il faut commettre de tout sur la montagne de Sion. Dieu veut que le peuple soit saint. Et la Bible déclare que le culte qui t'est raisonnable, que tu peux faire à Dieu, il dit, offris ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera devant toi un culte raisonnable. Qu'on soit transformé par le renouvellement de notre intelligence. Donc, en mettant ces 500-là, c'est le fétichisme. Vous allez le faire exactement ce que quelqu'un peut te dire que prends cette corde-ci, mets sous ton oreille, ou bien prends cette plante-ci, plante dans la maison, ça va protéger ta maison. C'est ce que vous allez faire avec la Bible. Si tu fais comme tu as mis les 500 là, un des tu ouvres, tu vous dis, mais tu vas prendre. Tu vas prendre que ça sort d'eau. Je sens que c'est Dieu qui a donné. C'est la banque de Dieu là-bas, la Bible, n'est-ce pas? Alors que vous voyez que Dieu, faut que Dieu nous pardonne. Amen. C'est comment là? Montez vous coucher les enfants. Jonathan, Jossi. Allez vous coucher, il est 23h, allez vous coucher. Nous sommes en plein partage, d'accord Josué? Allez, vous toquez. Non. Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi? Vous allez jouer quoi à 23h? Allez dormir. Demain. Demain vous allez jouer, vous demain, avez toute la journée. Demain c'est samedi. Allez, de toute façon, allez à la maison. Bonne nuit. Donc, Dieu nous a dit dans ces Philippiens, dans ces Actes des Apôtres qu'on a lu, on a lu Actes des Apôtres. Et si on lit dans 2 Jean, c'est là où nous retrouvons, dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, il dit que petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists par là, nous reconnaissons que c'est là, nous savons que c'est la dernière heure. Il dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. C'est là où nous étions, n'est-ce pas? Ils sont sortis du milieu de nous. Donc ces gens-là, c'est un milieu chrétien. Comme elle a dit que Camden était comme ça, il sort de là du milieu. Oui. On croit que les chrétiens, subitement, commencent à enseigner autre chose qui n'a rien à voir avec la Bible. Mais le problème, c'est que on nous a dit que plusieurs les suivront. Elle a dit que Camden allait au Nigeria, comme beaucoup partent là-bas. Oui. Ils rentrent. Enfin, c'est vous qui êtes habitué là-dedans, vous devez savoir comment connaître ces gens-là. Rentrent. Ça commence donc à. Il y a un enseignement sur la chaîne Bambaïba. Connais-tu ton pasteur? Je crois qu'il va falloir que demain vous en suivez. Demain matin, vous venez à la maison. Vous écoutez cet enseignement-là, connaître ton passé, vous écoutez doucement avec votre Bible. Alors vous devez savoir que vous avez intérêt à examiner ceux qui vous prêchent la Bible. Vous avez intérêt à examiner parce que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vérifiez les fruits. Vérifiez les fruits. Il y a quoi? Il y a un bonbon d'eau là-bas, dans le truc que vous allez prendre. D'accord. Alors dans ce livre de 1 Jean chapitre 2, verset 19 dit, ils sont sortis du milieu de nous. Et ça, il faut qu'on continue cela pour voir ce que ça dit, maman. Verset 19, c'est pas fini. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous. Puis il dit quelque chose. Rentrons au chapitre 2. Chapitre 19. Non, chapitre 2. Nous sommes au verset 19. La partie A, elle est la première partie. Ils sont sortis du milieu de nous. 19. Il n'était pas des nôtres. Stoppons, c'est ça que je voulais qu'on lise. Comme tu as dit tout à l'heure, ce sont les enfants de Dieu. C'est là où je voulais y arriver. C'est vrai que tous les pasteurs ne sont pas de Dieu, même s'ils s'appellent Archbishop, n'importe quoi. Ils ne sont pas de Dieu. Déjà, quand quelqu'un prend un titre, vous entendez quelqu'un qu'on a dit Daddy. Et que la Bible déclare que n'appelle personne sur la terre votre père. Daddy, ça veut dire père. Ils commencent à être révérents. Si ils aiment les honneurs. Si tu dis mon frère, ça devient un problème. Il y a un problème. Le Bamendala. Oui. Mais ça, on les appelle Daddy. C'est leur problème. Jésus a dit, Daddy, ça veut dire papa. Jésus a dit qu'on n'appelle pas quelqu'un sur la terre son père. C'est seulement les Baminda. On avance. Chez nous l'appelons papa, mais les Baminda disent toujours Daddy. Daddy qui veut dire papa. Ça veut dire que vous êtes exactement comme les catholiques, parce qu'ils appellent celui qui a ronque quoi? Monseigneur. Mon. Le pape. Pape, ça veut dire papa. Donc, vous êtes les catholiques convertis. C'est pour ça qu'il parle de Babylone. Alors, ici, il dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. Il n'était pas des nôtres. La question c'est, s'il n'était pas des nôtres, comment ont-ils fait pour devenir pasteur? Ils ont fait comment pour se retrouver là dedans? Pourquoi donc on les appelle pasteur? Parce que tout le monde peut porter les robes qu'ils portent maintenant. En fait, on a donné un boulevard aujourd'hui. La règle c'est qu'on va s'inscrire quelque part. Après 3 ans, on négocie, on sort, on fait un diplôme, une cérémonie pompeuse. La famille sort, exactement comme on fait pour l'école normale ou bien les NAM. Où les gens sortent à la magistrature, on porte le gandoura, on sort. C'est la même chose chez les chrétiens aujourd'hui, chez les religieux. Et c'est devenu une norme et ça ne dérange personne. Mon grand frère pasteur va sortir l'année prochaine. Tu regardes comme ça, tu dis même, est-ce qu'il sait même ce qu'il a en train de dire? D'autres disent même qu'il n'avait pas su S'ils avaient su, c'est qu'ils n'étaient pas... En fait, la Bible déclare. Ils disent qu'ils n'ont pas su que c'était mauvais. C'est trop pénible. Qu'est-ce qui est pénible, maman? Le pastoral. Qui leur a envoyé là-bas? Qui les a envoyés là-bas? Mais les titres, non. Ah, c'est leur problème. Oui, mais ils disent que c'est pénible parce qu'ils sont toujours en train d'intercéder pour les brebis. C'est leur problème. Intercéder pour comment prendre l'argent aux gens. C'est ça. La cupidité, ta féconde de vous, au moins, ne parlons trompette. Mais restons ici. Il dit que il n'était pas de notre. Je m'arrête chaque fois sur les mots pour que vous compreniez ce que les apôtres, mes grands frères, disaient avant. Un, petits enfants, c'est la dernière heure, donc avertissement. Qu'on sache quelle époque nous sommes de vivre. Comme vous avez entendu qu'il y a un antichrist qui vient, c'est-à-dire au milieu d'eux, on parlait déjà de l'antichrist. Qu'il y a un antichrist qui vient. Puis dit, il y a maintenant plusieurs antichrists. Donc, ces filiales sont là pour préparer le chemin pour qu'ils se manifestent. Il dit que, par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous pour devenir antichrist. Donc, à la place de Christ, mais contre Christ. Et il y a beaucoup qui les suivent. Il y a beaucoup qui les suivent. La preuve, on enseigne que vous prenez les herbes, vous mangez, vous avez la vie éternelle, les gens sont derrière. On dit qu'acheter le foleret ou bien le gandia, le vin rouge, venez, on va prier, ça va devenir le sang de Jésus. Ça vient. Vous voyez les mamans qui ne peuvent pas marcher, porter les grosses gouttes de 10 litres pour aller quelque part, parce que dans leur dénomination, on dit qu'il faut venir avec l'eau pour qu'on prie pour que ça bénisse. Ils sont derrière, quand ils entrent. Et les chaque mamans, jour donnent, chaque jour, vous priez, vous buvez, ça ne fait rien, vous continuez à boire. D'autres, oh, c'est terrible. C'est terrible. Mais il dit ici, ils sont sortis du milieu de nous. Hein? Ils n'étaient pas des nôtres. Parce que si quelqu'un change de doctrine, en enseignant une autre doctrine, c'est la preuve qu'il n'est pas de Dieu. Parce que la doctrine de Dieu est infaillible et ça ne peut pas changer. Maintenant, voici le papier que je montre chaque fois. Mes papiers que j'ai semé dans le champ, c'est ma source d'inspiration. Ceci, je l'ai semé en mars dernier, ça, pour se voir les papiers qu'on voit. Il y avait une panoplie de papiers ici. Mars dernier. L'autre mars, c'est comme mars. Ça. Oui. C'est le Dieu qui nous bénit comme ça. Alors, ici, il y en avait une foule de papayers, si vous avez remarqué, n'est-ce pas? Et chaque fois, je viens filmer cela. Vous avez remarqué maintenant que le frère Achille est venu, il a coupé certaines là, maintenant il a jeté. Parce que lorsque ça a commencé à produire, quand j'avais versé les pépins de papayers là-bas, on ne pouvait pas distinguer quel est le vrai papayer du faux. Parce que quand ça poussait, c'était jeune, tous étaient semblables. Quand tu regardes les papayers, tout est, ça, la forme, c'est la forme du papayer. La forme du papayer. Mais au fur et à mesure que ça en est grandi, après on voit subitement d'autres poussent comme ça avec les fleurs. Cela ne peut jamais produire le papaye. Même si ça du sang, ça ne peut pas produire le papaye. C'est le type de prédicateurs faux et de vrais. Ils sont de la même forme. Ils disent qu'ils sont sortis du milieu de nous. Donc quand ils grandissent, plus le temps passe, plus on voit maintenant le fruit que l'autre porte. C'est Jésus qui nous a dit cela. Et après, il a dit que, quand il dit cueille-t-on des raisins sur des figues, il veut dire j'ai mis les exemples de ceux-là dans le champ. Regardez le type de ces pasteurs-là dans le champ. Cueille-t-on des raisins. Il dit que, tout arbre qui porte de bons fruits. Il dit qu'un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Jésus vient de nous dire que dans les champs, dans les papayers, les goyaviers, il a mis les types de pasteurs. C'est pour ça que vous allez voir un goyavier, un style de goyavier, ça ne produit pas. Un autre style, ça produit. Il a déjà mis les deux pour que vous voyez, pour que si tu sais comprendre sa parole. Si tu regardes dans le champ, tu dis, qu'est-ce qui se passe ici? Alors le problème maintenant, c'est qu'en observant les papayers, vous remarquez que c'est quand ça produit qu'on regarde le fruit. Et quand on regarde le fruit, ça ne produit pas le fruit papayé. Il n'y a pas deux choses. On doit couper et jeter. C'est ce que le frère Achille a fait. Maintenant, si c'était petit, on disait que frère Achille ou bien frère Junior, quel est le vrai papayé ici? On ne pouvait pas. C'est qu'en coupant, tu peux couper même ce qui est bon. C'est pour cela qu'un pasteur va commencer. Commencer comme la soeur disait tout à l'heure, là, que Camden a fait comme ça avec. C'est celle qui est à la maison là. Ils ont commencé comme ça, mais subitement, il a changé. Et vous voyez la dérive où il est en train d'aller, la dérive. Maman, il a les gens. C'est pas le gens qui est le problème, c'est prophétiser que plusieurs les suivront. Parce qu'il y a les puissances derrière pour les faire suivre. Vous allez suivre l'enseignement là, si tu connais ton pasteur. Alors la question maintenant c'est, est-ce qu'il était vrai au départ pour être faux par la suite? Prends cet argent, ce moment. Tu as remis dans la main l'autre, ton argent rationné là, pour qu'on voit. Là c'est un vrai bio, c'est un faux. C'est un vrai. Est-ce que ça peut devenir faux? Non. Donc un vrai est toujours vrai. Même si c'est sale, parce que ton billet est sale. On va apporter un autre billet de 500 qui est propre, comme si ça venait sortir de la banque. Ce billet-là est vrai, mais c'est propre. Ceci est vrai, mais c'est sale. Donc c'est à des niveaux différents de stage. Mais ce n'est pas un moment donné que le billet est vrai. Depuis qu'on a fabriqué, quand c'est sorti, c'est déjà vrai dès le départ. De la même façon, ces papayes, ceux qui sont ici, dès la semence, c'est déjà faux. Il est seulement au milieu, c'est ressemblant au papayer. Moi, on attend quoi? Le moment où le fruit va produire le fruit. Donc, il faut attendre donc le fruit des pasteurs. Vérifier ce qu'un pasteur doit produire. Mais frère, eux, ils nous disent que, oui. que l'exemple que Jésus avait dit là, c'était que quand nous sommes dans l'assemblée, oui. quand quelqu'un n'est pas de Dieu, oui. on le laisse puisqu'on ne peut pas encore l'examiner s'il produit des bons fruits. Mm-hmm. On, comme Jésus a dit, laissez les croître ensemble. Voilà. Maintenant, on vous laisse croître ensemble. Okay. C'est quand tu es déjà grande personne mûre et on voit que tes œuvres Jésus, changent. Jésus a donné deux paraboles dans Matthieu qui parlent dans ce sens-là directement. Mm-hmm. Mais il a dit clairement. Pour ce que j'en ai dit dans Matthieu chapitre 17, moi je vais lire cette fois-ci. À partir du verset 13. Matthieu chapitre 7. Il est Matthieu 7. Verset 13 à 25. 13, 25. Maintenant je vais lire et puis on va y revenir. Parce que dans Matthieu chapitre 13, il y a une autre parabole. Ici c'est Matthieu chapitre 7. Puis il commence d'abord verset 13. Entrez par la porte étroite. Il y a un point là-bas. Donc, c'est pour dire, la vie en Christ, ce n'est pas le grand nombre. Entrer par la porte étroite. Étroite, ça veut dire qu'il est resserré, ça veut dire qu'il est petite. Mm-hmm. Puis, il continue. Car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. À la perdition. Puis, il conclut par prophétie. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Vous devez vous poser des questions quand le Seigneur parle comme ça. Vous devez vous poser la question, oui. suis-je sur la voie resserrée? Au sur la grande porte, parce qu'il n'y a que deux possibles. Mm-hmm. Lorsque vous êtes là, dans votre milieu, soit vous êtes séduite, soit vous êtes dans la bonne doctrine. Et il n'y a que d'une seule façon pour le faire, pour le savoir, c'est au travers de la parole. Mm-hmm. Si vous commencez à dire, je connais un pasteur qui fait des miracles, si c'est pour les miracles, Satan peut faire des miracles. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas imiter de façon claire, c'est la vie de Dieu. Il ne peut pas imiter cela. Parce, regardez bien, tu peux faire comme si tu es chrétien, comme si tu es calme, tu es au problème. Quand la vraie chose qui persécute les chrétiens va te toucher, tu vas sortir de tes gonds. Tu entends quelqu'un dire que là tu as dépassé les vases. Tu vois, le pasteur dépose la Bible, il commence la bagarre. Alors que la Bible déclare qu'il doit être doux, conciliant. Dans la nature, c'est la nature. Et tu ne peux pas imiter cela, la douceur. Tu ne peux pas imiter la paix. Tu vas faire l'aspect comme ces gens font la paix, l'extérieur, comme ils sont propres là. On croit que c'est la propreté extérieure qui est le problème. C'est la nature qui est à l'intérieur. Le canard et la poule sont deux oiseaux domestiques qui ont presque les mêmes caractéristiques. La seule chose qui les diffère, c'est l'épreuve de la natation. Si l'eau passe ici, le canard peut traverser sans sortir. Que la poule va un peu limiter, elle va se noyer. Nous sommes d'accord? Oui. Parce que le canard a quelque chose que la poule n'a pas. Les palmes. Et le canard n'a pas voulu se fabriquer ces palmes. C'est naturel. La poule voudra imiter en faisant n'importe quoi, ça ne marchera pas. Avançons donc ici. Donc il dit, et il y en a beaucoup qui entrent par là, dans la porte de la grande, qui mène à la perdition. Puis il dit, mais étroite est la porte, resserrée. Elle est d'abord étroite, puis resserrée. Quand quelque chose, une petite porte est là et qu'il y a une petite course, les gens sont dépassés, chacun se bouscule puis entre. Il dit resserré, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc si on va en ce thème de proportion, d'après cette prophétie que Jésus a en train de parler, beaucoup vont aller en enfer par rapport à ceux qui vont entrer au paradis. Nous sommes d'accord? Oui. Maintenant, il donne les mises en garde. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Après avoir dit ça directement, il dit gardez-vous des faux prophètes. Matthieu chapitre 7, elle a écrit maman. Il dit gardez-vous des faux prophètes. Donc si vous avez quelqu'un devant vous qui se dit prophète, il n'y a que deux alternatives. Soit il est vrai, soit il est faux. Comme Étienne s'est vu 500 devant dans sa main. Il n'y a que deux alternatives. Soit c'est un vrai biais, soit c'est un faux biais. Si c'est un faux, c'est faux depuis le départ. Si maintenant elle dit que c'est le vrai biais, n'est-ce pas? Si elle dit que c'est le vrai biais, peut-être elle le dit par considération que ça vient de son pasteur ou bien de son prophète. Mais s'il y a l'appareil qui fait tester les biais là maintenant, on fait passer là. Ça ne respecte pas les clauses des vrais biais. On va conclure que c'est le faux. Ça n'a pas changé entre le moment où elle a dit que c'est le vrai biais. Au moment où on a le mettre là-bas, c'est que c'était seulement faux, mais elle ne savait pas détecter. Nous sommes d'accord. Donc quand tu découvres que ton pasteur, ton prophète est faux, c'est pas qu'il s'est détourné. Non, ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'il s'est détourné, c'est que c'est sa nature que Dieu veut te montrer. Amen. Alors il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements des brebis. Vous ne verrez nulle part un faux prophète qui dit vous avez vu quelque part un faux prophète prêcher que je suis un faux prophète. Vous avez vu un voleur dit comment je volais. Vous avez vu un faux prophète dire que je vous envoie à la perdition. Non. Tous disent qu'on prêche la voie de la vérité. Mais Jésus nous a dit que l'âge est parce que la voie qui mène la perdition. Beaucoup entrent par là. La question maintenant c'est qui donc entre dans la grande porte. Tout le monde se dit chrétien. Mais il faut admettre que beaucoup sont en train de se tromper parce que Jésus a dit plusieurs entrent par là. grande porte qui mène à la paix, dit. C'est donc, il faut que chacun se pose les questions. Où est-ce que je suis? Maintenant, il dit ici, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est quand même terrible. Puis il dit, ok, maintenant, vous allez poser la question. Comment je vais voir un homme? Savoir ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Pour le cadre de la semence, comme je disais, le papa qui est ici, ça, il n'y a qu'une période de temps qui a séparé du moment où la semence a commencé à sortir. Quand ça sortait, les deux étaient ensemble. Quand il y avait l'arrosée du matin là-bas qui arrosait les deux, chacun disait Amen, Amen, Alléluia, et grandissait ensemble. Mais ça n'a pas fait 4 mois, ces choses-ci. 4 mois, qu'on a discerné ce qui était de vraies semences, ce qui était de faux, et l'ascension a été donnée. La preuve, voilà les vrais de bon. Elles vont nous produire le bon papaye. Nous allons prendre, nous allons des actions de grâce. Que merci Seigneur de nous avoir donné ces genre de hommes qui nous enseignent la vérité. Amen. Mm-hmm. Verset 16, Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il a dit au verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Mm-hmm. Verset 16, vous les reconnaîtrez. Les est mis pour les faux prophètes. Donc, je suis en train de dire qu'il y a deux volets. C'est que je suis en train de dire que le pasteur a dit qu'on les laisse dans les assemblées parce qu'on ne sait pas qui est chrétien, c'est pas l'autre là-bas. Ici, on s'agit, on parle des dirigeants. Celui qui se dit pasteur ou bien prophète. Ici, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent, donc le pasteur, le prophète, ils viennent à vous en vêtements des brebis. Mais au-dedans de ce sont les roux, loups, ravisseurs. Puis il dit, vous, il s'adresse à qui dans maintenant? À nous. Ah, vous les reconnaîtrez. Donc, les disciples, vous. Ils peuvent venir se cacher comme ça. Il y a une indication pour les identifier. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand un disciple lit ces choses-ci, ne passez pas sans avoir posé des questions au Saint-Esprit. C'est quoi donc le fruit? Qu'est-ce que Dieu attend d'un prédicateur? Si un prédicateur vient de Dieu, qu'est-ce qu'il va manifester? Dans la première partie, ici, nous avons lu Actes des Apôtres, où l'apôtre Paul a dit qu'il y a plusieurs qui vont venir enseigner des choses pour entraîner les disciples avec eux. Nous avons lu dans Philippiens chapitre 3, versets 16 et 17, où il a dit que portez les regards sur ceux qui marchent d'après le modèle que vous avez vu en nous et de ceux qui marchent d'après ce modèle-là. Il dit car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Il dit ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc ils enseignent la doctrine de la prospérité. Prospérité, donc c'est leur caractéristique. Tous les pasteurs, les faux prophètes, tous les faux prophètes, sans exception, parce que Dieu a mis cette terreur-là, a permis que cette terreur entre en eux. Ils vont tourner un peu comment? Ils vont tourner autour de la doctrine de la prospérité. Par cupidité, par cupidité. Donc la motivation, ils viennent là pour fabriquer de l'argent. C'est pour ça qu'ils ne blaguent pas. Ils vont faire 2 cultes. Ceci, il y a plusieurs styles d'offrandes. On organise, on vous embrouille. Tu donnes la dîme de ceci, l'offrande de ceci. Chaque fois qu'il y a ceci. Si quelqu'un donne le témoignage, il faut sceller le témoignage dans le sang. Pour voir le pasteur, il faut payer ceci. Il faut prendre l'enveloppe ici, faire un vœu ceci. Chaque jour, ça tourne autour. On vous distrait, vous ne lisez pas la parole. Par cupidité, ils trafiqueront de vous. Au moyen des paroles trompeuses. Donc, ils vont sortir des paroles. Tu vois quoi? Comme tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne vient pas à la maison de Dieu, les mêmes vides. Je vous ai dit que ça ne se trouve pas dans la Bible. Donc, on vous a trafiqué au moyen de paroles trompeuse. Donc ils vont prendre des paroles. Parce qu'il va aller dans la parole. On a pris cette parole là. On va lire ce que la parole dit. Vous allez voir ce que la parole dit. Vous allez voir effectivement qu'on vous a trafiqué. D'accord? Alors il dit ici, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Point. Cueille-t-on des raisins sur des épines? La question c'est. Donc on ne peut pas cueillir des raisins sur des épines. Donc s'il voit déjà des raisins sur des épines, c'est qu'il y a un problème. Parce que c'est impossible d'avoir qui s'y trouve. Puis il dit, ou des figues sur des chardons, n'est-ce pas? Puis il conclut. Tout bon arbre porte de bons fruits. Donc, s'il vient du bon Dieu, ils vont produire l'esprit du bon Dieu. Ils vont manifester l'œuvre du bon Dieu. S'il vient du bon diable, ils vont produire aussi les œuvres du bon diable. Puis, il dit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Si on enlève arbre là-bas, on met prophète. Un vrai prophète ne peut porter de mauvais fruits. On met chrétien. Non, enfin, ici, ils sont parlé ici parce que c'est l'identification des dirigeants principalement ici. D'accord? Parce qu'un faux chrétien, les chrétiens, on peut encore taxer que le chrétien n'a pas grandi dans la maturité. Parce que là-bas, la plupart mettent seulement les chrétiens. Donc, eux, ils indiquent que les chrétiens. On dit les enfants de tels. On a commencé ici en disant gardez-vous des faux prophètes. On n'a pas dit gardez-vous des faux chrétiens. On dit faux prophètes, donc ce sont eux qui dirigent. Nous sommes d'accord? C'est donc le conducteur. Puis d'ici, verset 18, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre! Ici, on a parlé des êtres humains, des conducteurs, là, qui ne portent pas de bons fruits, est coupé et jeté au feu. Donc, la destination, c'est l'enfer. C'est ce qu'il a dit. Est jeté au feu. Qui ne porte pas de bons fruits. S'il ne porte pas de bons fruits, ça se fait que c'est sa source qui n'est pas bonne. Parce que Jésus ne les connaît pas. Verset 21. Verset 20 maintenant, 20 d'abord, il conclut. C'est donc, c'est la conclusion de tout ce qu'on a démontré. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, n'allez pas chercher le midi à 14h. C'est à leurs fruits, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Puis il continue dans verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On s'arrête encore là-bas. On peut passer deux jours là-dedans maintenant. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Donc c'est clair que tous ceux qui disent chrétiens n'entreront pas. Pourtant, chacun de nous, tard qu'il est chrétien, prie chaque jour, vont à l'église dimanche, autant qu'il se peut, d'autres le 24 décembre et la nuit des traversées. D'autres se débrouillent pour se baptiser le 25 décembre et le 1er janvier. Mais Jésus dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. La question c'est, il y aura quelqu'un parmi nous qui aura dit Seigneur, Seigneur, Jésus, oh Seigneur, je t'aime, écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Son nom n'a jamais été écrit. Il faut qu'on se pose donc de sérieuses questions. Il dit donc, mais voici donc ceux qui vont entrer. Il dit, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les... Ça pose encore un autre problème aux chrétiens. Où se trouve la volonté de Dieu? Parce que si tu dis que les enfants n'entrent pas à 22h, et qu'un enfant entre à plus de 22h, tu as le droit de le punir parce qu'il connaît exactement ce que tu lui as dit. Donc les règles de la maison. Si tu restes à la maison, l'enfant sort, il va à l'école, après il rentre tard, tu commences à le taper, alors qu'il n'a pas compris qu'il n'y a pas d'abord une interdiction ou bien quelque chose qui lui stipule que tu n'as pas venu tard ici. C'est qu'il y a un problème avec la justice. Nous sommes d'accord. Alors la question maintenant c'est, si Jésus va nous jeter en enfer, parce qu'on a dit Seigneur, Seigneur, et qu'on n'a pas fait la volonté, il faut qu'il nous dise quelle est la volonté pour qu'on puisse le faire ou bien qu'on manque de le faire. Alors il va devoir nous dire quelle est la volonté de Dieu. L'une des volontés de Dieu, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. On dit clairement là-bas. Non, il l'a noté. Tu as noté. On a cité ça. Ce que Dieu veut. C'est clairement écrit. Ce que Dieu veut. C'est sa volonté qui est expliquée là, directement. Il dit, un, c'est votre sanctification. Donc, Dieu recherche la sainteté. Les pasteurs vivent dans la fornication. Masturbation. Pornographie. Cupidité. Mensonge. Après, il prêche la Bible. Et la Bible dit, c'est votre sanctification. Donc, Dieu vous attend. Il dit, je suis saint. Vous serez saint. Frère Junior. Oui, maman. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne manque pas? C'est pas le problème. Permets-moi de lire, d'accord? 1 Corinthiens chapitre 6, je peux noter, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Donc, tu manques une fois, tu meurs comme ça, c'est l'enfer. Pensons ici. Chapitre 6. Verset 9. Ce sont ces faux enseignements qui ont amené les gens à penser que non, chacun peut vivre sans, avec le péché. Il n'y a personne qui peut vivre sans péché. C'est parce que la Bible enseigne. On va rentrer encore dans 1 Jean chapitre 2 là tout à l'heure. Dans chapitre. J'ai dit quel livre déjà? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6. Voilà, je vais lire verset 9 à 11. Parce que la Bible déclare: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Si les injustes n'héritent point le royaume de Dieu, ça suppose qu'il y a des gens qui y entrent et ils sont justes. Parce qu'il n'y a que les injustes. Ou les justes. Alors il dit, les injustes n'hériteront point. Donc ceux qui vont hériter, ce sont les justes. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont les justes, qui vont entrer. Puis il dit, ne vous y trompez pas. Donc on peut se tromper. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les voleurs, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Puis il dit, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc la Bible déclare clairement que les gens qui vivaient dans ces choses ont été sanctifiés, ont été lavés. Autrement dit, on parle donc là du dépouillement du vieil homme. Donc il y a un enseignement pour dépouiller, pour amener les gens à se dépouiller de cette vieille nature-là. Dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, les versets 17 à 29, ça traite de ces cas-là. Il dit que voici ce que je vous déclare dans le Seigneur. Combien? Chapitre 4, le verset 17 à 29. Il dit que vous ne devrez plus marcher comme les païens. Donc, les païens ont cette marche, une certaine façon de marcher, mais vous, les chrétiens, vous ne devez plus le faire. Qu'on marche les païens comme qui ont l'intelligence obscurcie, qui sont étrangers à la vie de Dieu. Donc, nous, les chrétiens, ceux qui ont cru en Christ, non, ne sont pas étrangers à la vie de Dieu. Permets-moi donc de lire le verset 29, quelque part là-bas, par rapport à ces mensonges. Nous sommes au chapitre 4. Puis il dit, verset 25, toi-même. Toi-même, c'est toi-même qui vas dire parce que tu as dit que. Lis le verset 25. C'est pourquoi renoncer aux mensonges. Voilà une note qui est donnée. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Car nous sommes membres les uns les autres. Nous sommes dans Philippiens, dans Éphésiens chapitre 4, verset 25. Puis il continue, il réitère cela dans le livre des Colossiens chapitre 3. Lisons à partir du verset. Allons-y. Oui, prenons 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Continuons. Ici en bas. Oui, oui. Exhortation. Oui, donc c'est cela. Rapidement. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il va les citer. L'impudicité. Un. L'impureté. Deux. Les passions. Les passions. Les mauvais désirs. Quatre. Et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, les prophètes qui prêchent autour de la doctrine de la prospérité sont des idolâtres. Ils ont dit la cupidité est une idolâtrie. Donc, tous les passions, ils sont idolâtres parce qu'ils ont un dieu. Un dieu, on appelle Mammon, qui sont d'adorer. Parce qu'un idolâtre, c'est quelqu'un qui adore quelque chose ou quelqu'un derrière. C'est pour ça qu'ils aiment l'argent, donc ils aiment Mammon. Ils servent donc le dieu, leur ventre. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Continuons, continuons là. C'est même pas le sujet. Continuons. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois. Donc quand il dit vous marchiez autrefois, ça se pense que maintenant ils ne sont plus censés marcher ou bien ils ne marchent plus. Mm-hmm. Continuons. Lorsque vous viviez dans ces péchés, donc vous viviez dans ces péchés. Donc c'était leur nature. C'est comme ça que les parents font. Maintenant, continuons. Mais maintenant. Non, c'est à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Mais au milieu de l'assemblée, l'un parle mal de l'autre. Prends le nom de quelqu'un, va dire là-bas, crée les zizanies, parle mal de l'autre. Les paroles déshonnêtes. Les paroles méchantes, les paroles blessantes qu'on dit devant les gens, les paroles grossières. Ah, moi je ne prenais pas ça comme ça. Prenez comment, maman? Je prenais ça que peut-être tu peux parler du sexe. Il y a des paroles qui peuvent sortir de votre bouche. C'est pour ça que dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 25 et suivant, il dit que qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce à ce qui l'entend édifie. Donc ce qu'on doit sortir de la bouche, ce sont les oracles de Dieu. La parole de la bouche et la langue des enfants du Seigneur ne doivent pas être les langues de vulgarité. Continue, maman, c'est pas fini. Jusqu'à 8. Ne mentez, je suis à 9. Oh, allons-y, oui. Ne mentez pas les uns les autres. Regarde-moi maintenant. Est-ce que la Bible nous dit clairement qu'on ne doit pas mentir? Oui. Mais toi, qu'est-ce que toi tu en dis alors? Vous savez ce que j'ai posé comme question. Est-ce qu'on peut vivre sans mentir? Oui, parce que les téléphones que les gens nous ont. Il mentait avec quelqu'un ici. Je suis dans le taxi, il arrive, n'est-ce pas? Oui, c'est le mensonge. C'est le mensonge, c'est le réflexe de mensonge, donc c'est un réflexe mondain. Parce que le mondain peut aller se cacher quelque part et te voir à la maison. Pour que tu partes, il dit que non, je suis en train de voyager, je suis à la route de l'Ouest, alors qu'il est là. Oh, toi, le chrétien, tu ne dois pas. Il s'est passé quelque chose dans notre quartier. Monsieur était en voyage. Il a laissé son petit frère à la maison, son cadet, avec sa femme. Comme lui, il était un peu âgé. Sa femme était jeune et elle était avec le petit frère de son mari. Monsieur rentre du voyage. On lui a déjà dit tout ça, mais lui, il ne croyait pas. Il se met à la vente là-bas, il boit. Après, il se met quelque part derrière la boutique, la maison. Voici ici, comme là où il y a la lumière. Oui. Il appelle sa femme, il dit, chérie, comment ça va? Elle dit, oui, ça va très bien. Et tu es où? Elle dit, je dors déjà même. Alors qu'elle est où? Alors qu'elle est en train de faire l'amour avec le petit frère, son mari. C'est terrible. Mais, alors, monsieur fait le tour maintenant, il sent, il entend comment elle parle avec le gars là. Mais quand le bassin a pris la machette. Il a pris la machette, elle est trouvée là-bas. Il a blessé. L'a coupé. Aïe. À cause de quoi? Le téléphone avait le mensonge. Le téléphone manque beaucoup. Mais c'est pas le téléphone qui ment. C'est ça. C'est toi qui dois mentir. Maintenant, ça, c'est sur les païens. Toi qui es chrétien, est-ce que tu dois mentir avec le téléphone? Donc, il n'y a pas de justification pour mentir. Mm-hmm. Parce que la Bible dit clairement là que personne ne doit mentir. Si quelqu'un vient, il dit que ma soeur, pardon. Maman, tout ce que tu vas poser comme question là, si il s'agit de mensonges, dis la vérité. Il faut dire la vérité. Quelque soit ce que tu vas dire, quelque soit l'exemple. Parce que. Donne-moi 5 000. Oui. Ma soeur, donne-moi 5 000. Oui. Tu dis que j'ai 5 000, mais vraiment, je ne peux pas te donner parce que je vais les utiliser. Oui, là, tu n'as pas le mensonge. Tu dois dire ce que tu veux faire avec l'argent. Ce n'est pas le mensonge. C'est, comment c'est le mensonge? Tu as 5 000, non? Mais si tu as 5 000, gardez que pas, mais tu dis que je n'ai même pas 5 francs. Là, c'est le mensonge. D'accord? Maintenant, les regardons ici. Regardez. Ok. Ma. Comment? Regardons. Ça, c'est Apocalypse, chapitre 21. Mmh. Le verset 8. Mmh. Lisons. Mais pour les lâches, un. Les incrédules, deux. Les abominables, trois. Les meurtriers, quatre. Les impudiques, cinq. Les enchanteurs, six. Les idolâtres, sept. Et tous les menteurs, et tous les menteurs, leur place sera au paradis. Dans le temps ardent de feu et de soufre. Ce qui est la seconde. Ce qui est la seconde. Les menteurs vont se retrouver où? En enfer. En enfer. Donc, il n'y a pas de situation pour que quelqu'un mente. C'est pas fini. Allons-y au verset 27. Lis le verset 27 là. Regarde le verset 27. Non, c'est là. On touche là. Verset 27. C'est le dernier verset du chapitre 21 de l'Apocalypse. Allons-y. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Oui. Ni personne qui se livre à l'abomination. Au mensonge. Ce sont les deux choses qu'on a nommées à ce verset 8 ici. Il n'entrera chez lui rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Puis dit, il n'entrera que ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Fin de citation. Maman, ferme la Bible. Alors maintenant, pour ceux qui sont allés nous écouter maintenant, qu'est-ce que tu peux dire pour tous ceux qui sont dans ton cas, dans le monde entier, qui se trouvent dans ton cas, qui ont été trompés pour longtemps dans la religion, le système religieux? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je peux leur dire qu'on se repente. Parce que nous avons le livre de vie en main et nous ne le lisons pas. Nous écoutons les mensonges que nous... que les dirigeants nous enseignent et nous acceptons. Croyant que c'est ça qui nous donne la vie alors que c'est la mort. Qu'est-ce qu'il faut donc qu'ils fassent? Si les gens se trouvent dans ta condition, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Maintenant tu as la grâce de comprendre la vérité maintenant. Mais il faut qu'ils sortent de ce milieu-là. Mais maintenant toi-même, est-ce que tu n'es pas encore sorti? Comment tu vas faire donc avec ton pasteur qui te connaît bien? Mon pasteur ne me connaît même pas. Mais tu as dit tout à l'heure au courant de ton témoignage que plusieurs fois on t'a coopté pour être ancien ou quoi que ce soit. Hey, je suis sorti de là depuis. Ah, c'est dans un autre. Oui, le pasteur là, c'était un pasteur, c'est mon pasteur, c'est lui qui m'a baptisé. Bon, mais quand son frère est mort, il a dit que c'est moi qui ai tué son frère. Ah, donc il t'a baptisé, il a dit que c'est toi, il a baptisé, il a tué son frère. Dans la sorcellerie, ou bien comment? Son frère, c'est que j'avais... une amie, comme j'ai ma fille ici, comme ça. Oui. On se connaissait beaucoup dans l'enfance. Mm-hmm. Et son frère a eu à vivre avec cette amie-là. Mm-hmm. Après, comme son frère venait à l'église, il a tiré la dame là. Oui. Elle venait aussi à l'église. Mais m'ayant trouvé là, elle s'est attachée. Encore à toi. Oui. Après, de temps en temps, si on sort de l'église, le monsieur là peut nous donner un jus. On boit. Bon, maintenant les gens nous voyaient marchant ensemble et ce monsieur a eu le sida. Après, la diarrhée. C'est l'emporté. Il était hospitalisé à Nilon. À l'hôpital de Tergal. Oui, de Tergal. Sa femme m'a dit que ta personne... Sa femme c'est qui? C'est ton ami là. Oui. Il a finalement épousé ton ami là. Non, il n'avait pas d'amis. Il n'était pas marié. Mais ils vivaient comme ça, ensemble dans la fornication. Oui. Attends, allons-y doucement. Et c'était le frère de ton pasteur. Oui. Et il savait que c'était comme ça. Oui. Et il savait qu'ils vivaient ensemble. Oui. Et il avait le sida. Et Il avait le sida. Et ta camarade savait? Moi, je ne savais même pas, personne n'a su ça après. Mm-hmm. Avant, quand il y avait la gale sur la peau, bon, mm-hmm. on se disait que c'est la gale, on peut traiter. Mm-hmm. Ok, maintenant, monsieur me dit, madame me dit que ton ami est hospitalisé. Je suis sorti le matin mm-hmm. pour aller à l'hôpital. Quand il est entré à l'hôpital, on l'a jeté là-bas. Mm-hmm. Il a fait 3 jours. Quand je suis venu, je me suis mise à prier. Et les malades qui étaient à côté de lui mmh. ont commencé aussi à prier. Après, il me dit que c'est à, depuis qu'on m'a jeté ici, je ne suis pas encore lavé. Mmh. Il ne parlait même pas, mais après la prière, il est revenu à lui. Et je ne me suis pas encore lavé. Tu dors, Alice? J'ai coupé. Je ne me suis pas encore lavé. Il dit que bon, si ce n'est que ça, je peux te laver. Te laver. Entre-temps, ta camarade qui était son amie est où? Elle n'était pas, parce qu'elle habitait loin. Elle était à 19. Mm-hmm. Et moi, je lui ai dit que je serais là-bas le matin. Mm-hmm. Je l'ai lavé alors. Pendant ce temps, le pasteur est venu avec sa femme. Maman Sarah, hein, tu es en train d'accomplir ton ministère. J'ai dit oui, parce que... Jusque-là, il te considère comme sa fille, le pasteur. Oui. Mm-hmm. Maintenant, quand son frère meurt, il dit que c'est toi qui as tué. Il dit que il prend la Bible. Il prêche. Ça, l'enterrement. À l'église. Uh-huh. Son frère était encore dans la mort. Uh-huh. Après, il vient, il dit, toi là, ne vous étonnez pas. Si demain ou après-demain, vous voyez cette soeur mangeant dans la poubelle. Après, il est descendu alors. De l'hôtel. De l'hôtel pour venir me dire que toi. Devant l'assemblée. Oui. Devant tout dans l'église, mm-hmm. toi là, je te donne 1 an, tu vas te déshabiller, tu manges dans la poubelle. Arrêtons-nous là-bas. Oh, je te voulais qu'on conclue cette conversation, et c'est là où tu as de nous commencer avec les conversations. Là, nous sommes en quelle année? Non, c'est l'année là. Mm-hmm. L'année où il a dit cette déclaration. C'était en 1997. En 1997. Mm-hmm. 1997. Donc ça fait 10 ans aujourd'hui. Non, plus. 97. Ah oui, 2000, ça fait 10. 97, 2017, c'est pas 10 ans là. 10 ans. 10 ans. Mm-hmm. Le pasteur là, il est où aujourd'hui? Il est là. Mais il a vu de nous combien d'années? 1 an. Pour tu manges où? Dans la poubelle. Depuis je me déshabille, je mange dans la poubelle. Oh mon Dieu. Ça t'a frustré, ça t'a fait vraiment du mal. Pas vrai? Non, ça ne m'a pas fait du mal. Parce que quand il a dit comme ça, il m'a doigté. Oui. J'ai dit Amen, gloire à Jésus. Après, maintenant. Attends, il n'était pas. Lui, il n'était pas. Quand. Vu ta réaction, lui, il n'était pas surpris de ta réaction. Je ne sais pas. Et quelle était la réaction des autres membres de l'assemblée avec qui étaient-vous? Mais ils attendaient que je mange à la poubelle. Puisque quand tu fais du mal, tu dois être condamné. Ça, c'est un dimanche ou bien un jour de... Un dimanche. Dimanche d'après, tu es toujours venu? Je suis venu à l'église. Il a toujours prêché? Oui, il a... Non, mais les gens étaient toujours étonnés de me voir... Motivé. Bien là. Mm-hmm. Mais la question que je vais poser, c'est... Est-ce que les gens te considéraient comme sœur? Bien sûr. Mais comment un sœur... Une sœur peut tuer, et le pasteur dit, en tout cas, il te salue aussi. Mais on était bien. Après, je ne vous comprends pas, oui. Non, après... Après qu'il ait fait cette déclaration ce premier dimanche, là où il a dit que tu vas aller à la poubelle, est-ce que vous êtes encore bien? Je ne sais pas, on n'était pas bien, mais on n'était pas bien, il n'y avait rien qui montrait qu'il me déteste. Moi, dimanche, quand j'ai dit Alléluia, gloire à Jésus, puisque moi je me sentais innocente. Oui. Et je savais que ça ne pouvait même pas m'arriver. Parce pourquoi que... il le disait? Sur quelle base il se quitte de l'hôtel? Et que cet hôtel est censé être sanctifié, où Dieu, l'Esprit de Dieu est derrière, ne doit pas aller n'importe comment. Lui se met là-bas, il ment sur toi. Bon, maintenant alors... En plus, il t'est maudit. Je dis, il s'est maudit lui-même. Maintenant alors, on avait l'intercession tous les jeudis matin. Jusque-là, ça me pousse à poser beaucoup de questions. Quand je descends... Pour venir intercéder. De la colline pour aller à l'intercession. Oui. Puisque les portes sont fermées. Oui. J'entends comment il dit que si quelqu'un te fait du mal, il faut prier en bien pour cette personne. Et là, le mal va retourner à la personne. Retourner vite, vite à la personne. Mm-hmm. Je viens maintenant, je bouscule la porte, j'entre. Ils étaient à l'intérieur. Oui. Tout le monde. Panique. C'était. Mm-hmm. Bon. Et attends, et tu étais parmi les intercesseurs. Oui. Et lui, et quand il a dit ça, il ne t'a pas chassé de l'intercession. Et il te disait que tu es sorcier. Vous mettez, vous dépassez dans votre église. Ça, c'est pas la sorcellerie au milieu de l'église là. Alors, quand c'est le moment de la délivrance, il dit Maman Ndoumbé, parce que moi j'ai tout le nom. Maman Sarah, Maman Ndoumbé, Maman Ndoumbé, maman de l'église une fois. Viens maintenant conduire la louange. C'est le même pasteur qui a prêché en te disant devant les gens que tu seras folle parce que tu as tué, si tu es sorcier, tu sais ce que tu manges dans la poubelle. Oui, maintenant je viens, je prends les micros, je dis Alléluia. Est-ce que ça, c'est devant les gens? Oui, dans l'église. Devant les mêmes personnes à qui il a dit que tu es tueuse. Il dit là-bas que viens prendre le micro, tu conduis les louanges. Vous me dépassez, vous allez me faire fuir le monde, c'est rentré chez moi. Alors, je prends le micro, je dis Alléluia. Tu dis qu'est-ce qu'elle est vivante dans cette église? Oui, j'ai dit acclamer. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Tout le monde acclame, y compris le pasteur. J'ai dit, lui, il est à l'angle à la délivrance, délivrer une femme. J'ai dit, même si mon pasteur ne veut plus de moi, même si mes soeurs, mes frères ne veulent plus de moi. Mais c'était prémédité ce cantique-là, ce chant. Je ne dirai jamais non. Non à Jésus, je ne dirai jamais non. Non à Jésus, car le zèle de sa maison me dévore comme un feu. Le zèle de sa maison me dévore comme un feu. Quand c'était, on était en train de danser chaud, chaud, chaud, chaud, chaud là. Il y avait la batterie pendue, on tape tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, le matin. Jesus, oui. Chante le cantique comme tu chantais ce jour-là avant que tu aies été dans ton salon. Même si, quand tu as commencé, tu as pris le micro. Même si mon pasteur ne veut plus de moi, même si mes soeurs ne veulent plus de moi, je ne dirai jamais non. Non à Jésus, je ne dirai jamais non. Non à Jésus, car le zèle de sa maison me dévore comme un feu. Le zèle de sa maison me dévore comme un feu. Alléluia. Dès qu'il a poussé sa porte d'entrée là. Oui. Donc la salle de délivrance est un peu... Non, ce n'était pas le cas. Derrière. On pouvait sortir quelqu'un pour l'amener à l'écart. Là-bas, comme derrière là. Bon, il y a une porte là-bas et il y a une autre ici. Centrale, oui. Oui. Là-bas, c'était là-bas la porte du pasteur. C'est par là-bas qu'il Le pasteur, il laisse sa porte où il passe. Et il sort. Vous allez me finir. Maintenant, quand il a poussé la porte, j'ai tourné comme ça, l'ai vu. J'ai ramassé moi mon sac, je suis sorti de l'église là jusqu'aujourd'hui. Attends, là il dit, vous avez des histoires qui vont me tuer. Donc c'était un dernier cantique, tu as transmis ton message, tu es parti, on attendait que tu restes à la poubelle. Tu n'as jamais mangé. Et les gens de cette là, les pasteurs, les anciens qui sont là-bas, la femme du pasteur, tous les membres qui te considèrent là-bas comme intercesseur et autres là-bas, personne n'est jamais venu vers toi pour venir te dire. Pour venir commenter ce que le pasteur a dit, ou bien dit par exemple que peut-être le pasteur a tort, ou bien peut-être que tu te réponds, dis-nous. Non. Personne ne m'a cherché. Après, tu as dit qu'un jour, puisque tu étais là-bas, il a dit que vous allez voir Maman Ndoumbé venir ici avec le régime de plantain pour vous prendre dans la rue. Non, là-bas, c'était la prophétesse. C'est encore une autre, encore. Finissons avec le premier, parce que le premier, c'est compliqué. On finit, on va à la madame, la prophétesse, d'accord? Il dit, commence encore. Tu as fini de chanter tes cantiques pour qu'on te délivre. Tu as chanté ce que tu as dit, tu as transmis ton message. Quand tu es parti, donc, lui, sa femme, les intercesseurs, les anciens qui sont là-bas, tu n'avais pas d'amis là-bas. N'est jamais venu. L'ami, c'était la femme de celui qui était mort. En tout temps, pendant que le prophète, le pasteur, disait que tu es toi qui elle était là. Elle était. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle t'a fui. Elle ne m'a pas fui. Et après, vous avez commenté cela. Est-ce que vous avez commenté ou si vous en avez parlé? Est-ce que on a parlé de ça? On a parlé que. Est-ce que moi j'étais, il y avait quoi là à y voir? C'est comme j'ai perdu mes enfants, je fais, c'est moi qui. Mon problème, c'est la relation, la réaction des gens qui se disent chrétiens et qui te saluent en tant que sœur. C'est pas l'hypocrisie ça? Personne ne m'a suivi. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'était. Vous êtes rencontré depuis. Le pasteur est venu au deuil, comme j'ai perdu mes deux enfants, il est venu au deuil de la première. Qu'est-ce qu'il a dit à toi? Que tu as encore mangé? Non. Il a dit, il n'a rien dit. Il est venu avec ses enfants, m'a salué, m'a demandé, maman Sarah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai expliqué que l'enfant était malade, elle était ailleurs. Celui, le pasteur qui avait dit qu'on a cassé le restaurant parce que tu vis dans le péché, c'était lui. Non, c'est une autre. Pas lui, c'est... Non, ça veut dire que tu as des choses alors. Oui, mais ces choses-là. C'est ça que. Oh, mais je pouvais aimer entendre que Jésus m'aime. Amen. Parce que tout ce qu'on m'accuse là, je ne me sens pas là. En fait, parce que je n'ai pas impliqué. Ça ne te dit vraiment rien. Mais là, je te pose une question, maman. Permets-moi de poser cette question. Ok. Tu aimes le Seigneur. Oui. Un homme qui se dit que Dieu est devant toi. Oui. Et il délivre, comme tu as dit qu'il est en train de délivrer. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il doit utiliser l'esprit pour délivrer. Mm-hmm. Et il dit donc là que tu es sorcier. Mm-hmm. La question c'est, le Saint-Esprit peut-il mentir? Mm-hmm. Non. Le Saint-Esprit. Oui. Il a le Saint-Esprit. Alors la question c'est donc, dans ce cas, il délivre avec toi. Il n'a pas le Saint-Esprit. Mais il peut délivrer même avec n'importe quoi. Même là-bas à 19, il y a une femme là. Oui. Elle ouvre les yeux des pasteurs. Tu vas là-bas, tu lui donnes même 10 000 avec un petit chaton. Oui. Elle ouvre tes yeux à la dimension de ton argent et du chaton que tu as. Raconte-nous cela. Mais je ne raconte pas. Non, c'est pour la gouverne de ceux qui sont allés nous écouter. Il faut que les gens sachent exactement le danger. Parce que j'ai les crampes là qui me dérangent au pied là. Ne t'inquiète pas. Jesus. Ne t'inquiète pas encore. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mm-hmm. Non, reste seulement tranquille. Viens, tu veux réussir n'importe quoi. Ne t'inquiète pas, laisse. Mets-moi ton pied par terre, la même terre où je suis. Mets ton pied, d'accord, ça va aller. Donc, il y a une femme qui ouvre les yeux du pasteur. C'est-à-dire qu'il fait des médicaments pour que les pasteurs commencent à voir. Mm-hmm. Les pasteurs peuvent aller n'importe où. Prendre prendre ce qu'ils veulent. Oui. Pour venir, n'est-ce pas? On a dit qu'ils ne sont pas des nôtres, mais ils sont sortis de nous. Voilà. C'est ce qu'on a vu. Maintenant, après, tu as parlé de prophétie avec le plantain. C'est quoi? Tu parlais de plantain tout à l'heure et de prophétie. Non, pendant que j'étais déjà sorti, oui. La nouvelle est venue me retrouver. Oui. Que la prophétie est sortie là-bas, que je suis parti à Dibombari. Oui. On ne connaît même pas là où se trouve Dibombari jusqu'à présent. Oui. Acheter un plantain que je vais amener lui donner. Ah, au pasteur là. Pour la réconciliation, peut-être vous demandez. Non. Pardon. Que dès que je vais amener ce plantain, qu'on ne le prenne pas, parce que si on tente le manger, oui. Toute l'église va être dispersée. Mm-hmm. Et moi, je ne connais même pas là où se trouve Dibombari. Et qui a donné cette prophétie? La prophétesse. La femme du pasteur. Non. Attends. Non. Donc il y a une autre qui était venue avant toi, après toi. Ou bien non, moi, je n'ai jamais été prophétesse. Non, je t'en ai dit que on était à l'église ensemble. Oui, ok, celle-là, tu la connais comme prophétesse d'hier là-bas, quand tu étais là-bas. C'est elle qui parlait. On appelle ça chez nous Bojongo. Bojongo, c'est quoi? Tu tombes en extase comme ça. Oh, il parle avec Alain, c'est quoi ça? C'est magnifique. Elle fait les choses, après elle parle. Oui, elle parle. Dans l'église. Après, c'est là où elle se sortit comme ça. Mm-hmm. Donc, quand toi tu étais là, elle faisait déjà ça. Mm-hmm. Elle faisait ça. Et quand elle faisait ça, elle donnait les paroles, toi, tu entendais pour les autres personnes. Mm-hmm. Et quand tu étais là, tu pensais que c'était Dieu? Non. Mais attends, je savais que ce n'était pas Dieu. Parce que il y avait une femme là-bas, comme moi, n'est-ce pas? Mm-hmm. Moi, voici mon âge. Mm-hmm. Si on te dit maintenant que je ne suis pas peut-être riche parce que c'est mon père qui m'a bloqué, mm-hmm. Regarde mon âge. Oui. Tu sais vas croire que c'est la vérité. Tu sais que c'est faux. Que depuis mon enfance jusqu'à ma mort là maintenant, je ne suis pas devenu riche. C'est mon père qui est mort depuis. Depuis qu'il t'a bloqué. Qui m'a bloqué. Donc tu voyais que ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Mais tu étais toujours dedans. Mais je pouvais faire comment? J'étais une nouvelle venue. Bonne question. Donc tu ne savais pas comment faire. Toi, tu étais dans l'église là. Parce que moi j'étais ignorante. Mais c'est l'ignorance qui me donnait de croire, non? Donc si c'est comparé, tu savais très bien que c'était faux, mais tu ne savais pas quoi. Je ne savais pas où aller. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais noir, non? Mais tu es de notre assassinat, tu es noir, c'est la tête est comme ça. Les pieds ne touchent pas le sol, la tête ne monte pas en haut. Ça, c'est vraiment comme ça, non? Et là maintenant, tu es sorti, on t'a dit que la prophétesse a dit maintenant que le plantain, tu vas venir le plantain. Mmh. Et c'est venu te trouver. Et la question qu'elle veut poser, c'est 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une multitude de fois, elle va donner une prophétie, c'est faux. Mmh. Personne ne rejette. Elle-même était partie de l'église là depuis. On lui avait dit qu'elle couchait avec quelqu'un. Qui l'avait aussi dit cela? Un petit enfant. La prophétie, il y a beaucoup de désordre dans les églises. Papa. Elle couchait avec un petit c'est enfant. Junior, c'est un esprit. Et le monsieur là qui est même mort là, oui. C'était sa femme. Donc ils couchaient aussi ensemble dans l'église. comme elle vendait le mokono avec les bobolos là. Oui, le mokono, c'est le pistache. Il n'est pas resté là-bas avec elle. Dès que le commerce finit, ils vont à la maison ensemble. Ils vont à la maison. Mais toi, son frère connaissait, moi je ne connaissais pas. C'est après la mort que Dieu a prise. Et elle vient prophétiser. Elle vient. Donc l'église est devenue le temple du mensonge, de la cupidité, des mauvais esprits, de la fornication. Donc l'esprit de la Bible. Il y a beaucoup de choses dans les églises. Par exemple, comme chez nous là-bas. Oui, là où tu te trouves maintenant. Oui. Là, c'est là où tu as dit, le prophète l'a dit qu'on touche ton dos, attendez, ton dos pour l'argent. Oui. Attendez, vous venez là-bas. Peut-être ils vous connaissent, je ne sais pas. Vous venez là-bas. Vous venez. Même avec maman, restez derrière. Oui. Vous allez voir les choses. Ouais, moi, partir dans ces endroits-là. Moi, ne partirez pas. Il va vous dire. Vous qui êtes là-bas, que Dieu vous envoie avec moi, vous allez nous dire tout ce que vous faites là-bas. Mais c'est ça qu'on dit, non? Dis-nous, qu'est-ce qui se passe là-bas maintenant, là où tu es? Maintenant, comme tu as écouté la vérité, là, m'a donné l'argent, je sais que. Donc voilà, ça doit être 500 là maintenant, c'est ton problème avec lui. Mais je veux dire que c'est vous qui êtes là-bas, vous devez dire ces choses pour que les gens qui sont dans le mensonge puissent en sortir. Maintenant, quand tu suis la vérité, et c'est dans ta Bible que tu as de lire, certains de ces versets-là, tu les as soulignés. Mais maintenant, on a de lire, tu as de comprendre ça véritablement. C'est vraiment dit, Jésus t'aime. Amen. Et il veut te se révéler à toi parce que tu as longtemps crié, Seigneur, montre-moi la voie de la vérité. Conduis-moi dans tes sentiers. Le voici qui te conduit. J'ai souffert dans les églises. Courage, maman. Je dis, mais frère, j'aime Seigneur, Jésus. Tu te rends compte que le jour nous sommes partis là-bas pour sa fête. Oui. C'est ce que j'ai mon anniversaire. L'anniversaire de qui? De maman. Mémé, oui. Nous sommes arrivés assis. Quand le pasteur entre, on dit le prophète Emmanuel Okosa. Oui, applaudissez pour lui. Les acclamations, s'il vous plaît. C'est un Congolais. Ah, le mot Okosa. Prophète Emmanuel Okosa. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Il est arrivé. Applaudissez pour lui. On applaudit. Tel autre vient. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Levez les mains. Applaudissez. Levez-vous. On a applaudi jusqu'au moins. Je suis resté. Ah, il y avait beaucoup de pasteurs ce jour-là. Oui, il y avait beaucoup de. Même sa femme est passée, il fallait qu'on applaudisse. Même mais sa femme alors. Tu ne vas pas décider maintenant, tu applaudis, non? Bien sûr. Sa femme est plus dangereuse même que. Attends, laisse-moi. Pourquoi préfère laisser maman parler? Tu sais pourquoi j'ai applaudi, frère Junior? Non. Quand j'ai regardé le pasteur. C'est vrai que c'était dans ma tête, mais j'ai. Non, le pasteur de Pélagie. De Hélène, la maman qui vient, elle est en train d'applaudir. J'ai dit, ah, si un pasteur applaudit, ça veut dire que. Non, c'est pas applaudi. Moi aussi, je peux applaudir. Peut-être trouver ça normal. Mais dans mon cœur, je comprenais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, quelque chose n'allait pas. Est-ce que Jésus en a clamé les mains? Quand je suis restée, j'ai dit, hé, hey, ça, c'est une autre chose. Et puis, quand. À la quand fin, votre pasteur entre, on applaudit. Non, on applaudit. Même pas le prophète. Non. C'est la mort de maintenant. C'est la mort de ils étaient en train de bénir, à la dernière minute, là, ils étaient en train de bénir, de prier pour les âmes. C'est là où, pendant ce temps, ils étaient en train de boire du champagne. Le prophète. C'est pas le pasteur, le grand. C'est pas le champagne même, c'est le vin mousseux. Le vin mousseux. Ils buvaient là-bas, ils ne donnaient pas pour l'assemblée. Non. C'est entre eux là-bas, les grands pasteurs. Mais ils sont sur l'autel. Sur l'autel. L'autel qui est sanctifié. C'est là où ils sont. L'anniversaire de qui? De mon anniversaire. Non, ils avaient leur fête, c'était leur action de grâce. Ils ont jumelé avec ton anniversaire. Oui. Ça, c'est terrible. Et tu disais, tu t'es dit que toi, pendant qu'il faisait il ça. Il s'est levé, c'est là où il a dit que toute personne qui veut réussir, ils avaient les problèmes de la location, de payer la location, parce qu'ils payent là-bas chez eux combien par mois, ou c'est 450 000. Le local où ils sont. Oui. Ils payent 450 000. Et vous avez un nombre combien, par exemple, dans votre dénomination là? Je ne connais pas. Donc, ils sont nombreux, parce que c'est une grande salle. Une très grande salle. Oui. Ils payent 450 000 mensuels. Oui. Et là, c'est dans qu'est-ce qu'ils ont dit durant ce moment? Ils ont dit que chacun doit prendre, doit faire un vœu. Donc chacun doit prendre l'enveloppe et mettre à partir de 10 000 francs. En montant. En montant. Pour pouvoir. Et si la personne fait cela pour la location, pour la maison de Dieu, voici ce qui arrivera. Il arrivera. Voici. Et ce que j'ai vu, c'est que. Vraiment, ce que j'entends souvent, comme le Seigneur dit souvent que les gens doivent prendre les deniers, placer au milieu de prendre. Les invités sont arrivés, que les invités se servent, c'est les pasteurs qui se servent d'abord, c'est les pasteurs. Je suis restée, j'ai dit, c'est vrai quand même que chez nous là-bas, nos pasteurs veulent d'abord que les brebis doivent d'abord c'est servi, même si ils ne mangent pas, c'est pas... Donc il y avait certaines choses que je voyais, je disais que non, quand même chez nous aussi, c'est pas... Non, en ce qui concerne le service, oui. Le pasteur ne peut pas se servir en dernier. Puisqu'il y avait la table de nourriture, hein, la table... Des invités? Non, pas des invités. Les hors d'œuvre, les crudités. Donc, ils avaient leur table à eux. Et tout le monde devrait se servir là-bas. C'est les filles même qui n'ont pas su... Bon, c'est problème organisationnel. Bon, moi, tu disais tout à l'heure que la femme du pasteur, c'est le prophète là, congolais dont tu parlais là, que sa femme est plus dangereuse que le pasteur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il dit que... Elle, c'est-à-dire que... Tu sais que quand on est en train de prier, oui. Elle peut rester comme ça et te dire que peut-être tu as un esprit oui. qui te dérange. Oui. Elle est prophétesse aussi. Oui. Ah. Elle est prophétesse. Son mari est prophète. Oui. Elle est prophétesse. Oui. Allons-y. Pourquoi tu dis qu'elle est dangereuse? Je dis qu'elle est très dangereuse. Parce que si cette femme-là se met à délivrer, oui. Tu sens vraiment qu'il y a quelque chose. Oui. Alors que son mari, bon. Donc elle est plus prophète que son mari alors. C'est ce que je veux dire. Elle doit avoir plus d'onction. Qui lui a donné l'onction? Si c'est son mari, je sais. Donc son mari a donné l'onction, elle a fait ça, fini, c'est fini, suivi, ça reste sur sa femme. Je ne sais pas. C'est vous qui savez ces choses-là. Tout à l'heure, tu parlais de. On a fini avec le cas de prophétesse qui couchait avec ton ami, l'ami de ce qui était décédé, que finalement elle même le sortit. Non, c'était pas le prophète. Non, il parle des prophètes, la prophétesse, dans notre qui a parlé de plantain, là où tu devais apporter. Maintenant, lorsqu'elle est sortie aussi de là-bas, tu l'as rencontrée encore, cette prophétesse-là? Non, je ne l'ai plus jamais rencontrée. Alors la question maintenant, c'est celle qu'on appelle prophétesse aujourd'hui. Comment elles font pour être prophétesse? Mais il y a même là-bas dans l'église, même un petit enfant, oui. comme le Jonathan, comme ça. Oui. Il arrive des moments où les petits-enfants disent des choses. Ils entrent en transit, comme on a parlé. Et c'est l'un des enfants qui a dit que... N'importe quel enfant. Hein. Oui, là-bas. Parce que tu as dit tout à l'heure que l'un des enfants a prophétisé contre la prophétesse. C'est ça qu'elle dit, qu'un petit enfant peut parler des choses. Oui. Et qu'est-ce que l'enfant avait dit qu'elle couchait avec qui avant que ça a créé la scène? Avec un petit garçon là. Avec le petit garçon. Batteur. Le batteur. Celui qui tape la batterie quand tu chantais. Non. Parce que les sons comme ça, pardon. On laisse comme ça, tu les protèges pourquoi? Dieu peut nous faire quoi? Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire. Parce que. C'est-à-dire, parfois même, il me dit que. Attends, tu veux cacher les œuvres de ténèbres ou tu veux les condamner, tu veux les délivrer, tu veux les dénoncer. Non. La Bible dit qu'on ne prenne pas part aux œuvres instructeuses de ténèbres. C'est dans une église. Hein? Oui. J'étais dans une église. J'ai dit que j'ai déjà. Parcouru depuis 20, plus de 20 jusqu'à ans. Jusqu'à ce que. J'ai même eu la calvitie comme ça, je n'ai même pas beaucoup de cheveux sur ma tête. À cause des églises. À cause de ces églises. Parle-nous. J'étais dans une église. J'ai perdu d'abord ma première fille, c'est-à-dire l'aînée de maman Hélène. Oui. Elle était professeure certifiée au lycée bilingue de Yaoundé. Esther, elle est morte. Mes sœurs même. Que, avec qui on adorait, on priait, on faisait tout. Elles m'ont assisté. Mais pas comme il se devait. Jusqu'à ce que le pasteur régional s'est fâché. Quoi? Que pourquoi est-ce qu'une sœur peut être éprouvée et... Mais ça ne m'assiste pas. Oui. Lui-même est venu alors. Tout s'est bien passé. Mais la deuxième que j'ai perdue là, la maman de Jonathan. Oui. Parce que les jumeaux. Sont les orphelins là. Elles ne sont pas venues. Et puis, le deuil a fait 3 semaines. Le deuil a fait 3 semaines. Papa évangéliste, là, dans la même église, là, est venu me voir, me dit, maman, tu as déjà, les frères viennent, j'ai dit non, les sœurs viennent, j'ai dit non, mais Pourquoi? Parce qu'on n'a pas annoncé que j'ai deuil. Alors que chez les autres, on annonce. C'est toute l'église qui contribue. Mm-hmm. Mais pour moi, on n'a pas annoncé. Pourquoi? Je ne sais pas. Et maintenant là, il me dit, va voir le pasteur résident. Mm-hmm. Je suis parti voir le pasteur résident. Il a fait un bon qu'on me donne 100 000. Et quand le pasteur est venu jeudi, vers les 17h comme ça, me remettre cet argent avec trois femmes cinq personnes. Il m'a remis 50 000. Je dis non. Le pasteur... Attends, le pasteur qui a fait le bon, elle a écrit sur le bon compte de don 100 000. Oui, il a appelé. Oui. Est-ce que vous connaissez, parce que nous étions en Dogbon, à une chapelle. Oui. Et maintenant, on nous a divisé. On a eu un pasteur méga. Oui. Méga. Obama. À cet âge-là, tu es dans Winna Chapel. Oui. Cet événement, c'est oui. Oui. Obama. Il nous a alors dit que nous qui sommes les PK, mm-hmm. moi je suis à 9. Mm-hmm. Donc pourquoi vous ne nous éloignez pas? On nous a rejoignés. Pour le transport, mm-hmm. il a fait. Nous sommes partis à 13. Alors mm-hmm. le pasteur résident a appelé. Le pasteur de notre église, quoi. Oui. Est-ce que vous connaissez Maman Sarah? Il a dit oui. Vous la connaissez? Oui. Elle est comment? Là-bas, on dit que non, elle est très bien. Elle, tout va très bien. Dit, est-ce que vous savez qu'elle a eu deuil? On dit oui. Bon, je l'envoie avec un papier que vous lui donnez 100 000 francs pour qu'elle puisse... sa fille. Ça, c'est à ton pasteur même, de ta paroisse. Mm-hmm. Arrivé à la maison, j'ai trouvé un frère qui est venu me visiter. Mm-hmm. Il a dit que j'étais chez le pasteur résident. Voilà le papier, parce que moi, je ne lis pas anglais. Mm-hmm. C'est en anglais. Mm-hmm. Il a lu. Il a dit que bon, allons, on va lui donner. Mais au moment de lui donner, il était dans l'église. Le frère est resté dehors. Mm-hmm. Pourquoi on ne sait pas mm-hmm. Que vous ensemble. Oui, il est resté dehors. Et moi, j'ai donné le papier. Le pasteur a gardé le papier au moment de me donner 100 000 francs. Maintenant, il m'a donné 50 000. Alors, Dieu merci, on t'avait déjà dit, celui qui est dehors t'avait annoncé que c'est 100 000 qui est écrit sur le papier. Mm-hmm. Vers 100 mm-hmm. en chiffres. Mm-hmm. Et celui qui fait ça, c'est ton pasteur de ta paroisse. Mm-hmm. Qui n'a même pas fait qu'on annonce même ton deuil. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça, et là, cette étape, ça se trouve dans Buna Chapel. Ça, oui. C'est, oui. Oui. Maintenant, l'autre que tu parlais, Emmanuel Bindongo, c'est l'Ikondwa. C'est où là? Le nom aussi, c'est quoi? C'est à l'hôtel Bernardo. Derrière ça. Marché de coiffe là, mais quoi? Marché Nyon. Il a aussi un nom. Carrefour Nyon Dedo. Non, il dit son nom. C'est pas son nom, c'est son nom. C'est Bernardo. L'immeuble là où il y a les bars, il y a les boîtes de nuit là, non? Ok, donc il loue dans le même endroit. Dans l'immeuble là, oui. Et quand ils ne sont pas là, qu'est-ce qu'on a fait? On fait là-bas? De la salle. Oui. Non, ils ferment leur salle. Non, on ferme. Oh, ok. Non. Mais c'est qu'en bas, il y a des différents. Tout ça, il vient d'arriver. Il est à Yaoundé. Uh-huh. Il a une grande église à Yaoundé. Mais il veut s'installer à Douala. Ok. Donc peut-être il fait les contributions pour pouvoir trouver un endroit. Oui, donc, alors, Winna Chapel, donc celui-là, dedans, c'est un camp, mais tu refuses. Je refuse. Devant lui, comme ça, là. Devant le pasteur. Uh-huh. Et une sœur me dit que non, maman. Prends. Tu fais comme si. Rien n'était. Non. Tu fais comme si tu devais quelque chose à l'église. Mm-hmm. Et tu as remboursé avec les 50 000. Ok, j'ai pris les 50 000. L'autre me dit, maman, prends. J'ai pris. Et puis j'ai dit que c'est la pluie, non. Je prie sur toutes les toitures. Tu n'es pas rentré voir le pasteur. Mm. Et quand tu es sorti avec cet argent-là, celui qui était déjà... Et jeudi, nous sommes jeudi. Oui. La veillée, c'est demain. Oui. Et samedi, on doit entrer. Enterrer. Je ne vais pas faire quoi. Et même après. Non, je dis que quand tu es sorti, celui qui t'attendait dehors hors de l'église. Quand tu allais prendre les 50 000. Je n'ai pas pris là-bas. J'ai donné seulement la lettre. Oui. Je suis sorti pour rentrer à la maison. Ok, donc c'est un autre jour que tu devais venir prendre l'argent. Je ne suis pas venu prendre l'argent puisque c'était déjà écrit. Uh-huh. Et c'était mon pasteur. Il fallait qu'il vienne avec l'argent me donner à la maison. Il est venu à la maison. Ah, c'est quand il est venu pour te donner qu'il a donné maintenant plutôt 50 000. Pourtant, sur le papier, c'est 100 000. Mm-hmm. Après l'enterrement. Après l'enterrement, je suis partie. Partie je suis restée à la maison. Mm-hmm. Oui, mais... Tu étais fâché de... Oui, beaucoup. Mais tout cela, tout, dans toutes les marches comme ça, tu as les gens que tu as gardés sur le cœur, qui t'ont fait du mal. Oui, beaucoup. Tu sais que tu dois devoir les détacher de ton cœur, non? Je sais, mais j'ai un défaut. Oui. C'est que quand tu m'as fait du mal, oui, même si je te pardonne, oui, il m'arrive, quand je reste comme ça, je commence à réfléchir, je vais tomber sur toi. Oui. C'est pour ça qu'il me faut beaucoup de délivrance, oui, beaucoup de prières, mm-hmm, parce que cette habitude-là me quitte. Il te faut beaucoup de conseils, de plutôt, de conseils. Conseils, oui, okay, parce que le Seigneur Jésus-Christ dit que si vous ne vous pardonnez pas, si ton frère péché contre toi, même si tu es debout pour faire ta prière, tu dois pardonner. Ce que tu viens de parler, c'est l'oubli. Tu ne peux pas oublier, parce que là, on a raconté les histoires depuis des années. Mm-hmm. Tu vas savoir que tu n'as pas oublié. Mm-hmm. Il y a des gens qui t'ont fait du bien, des gens qui t'ont fait du mal, qui t'ont dit des paroles mauvaises. Tu n'as pas oublié. Donc, tu n'as pas la faculté d'oublier, c'est parce que ce sont des séquelles pour l'histoire de ta propre vie que tu peux raconter aux gens. Mm-hmm. Mais ce que Dieu te demande, c'est que même si ça fait n'importe quoi, Seigneur, je lui pardonne et tu avances. Mm-hmm. Je pardonne. Oui. Mais tu dis le n'importe quoi, comme mon pasteur a dit que je vais manger à la poubelle. Mm-hmm. J'ai pardonné. Non? Oui. Bon. Mais, si je reste, comme nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, mon voisin en train de parler de lui. Du livre, oui. C'est ça, mon mmh, défaut. Non, mais le problème, oui, qu'elle a, tu n'as plus de haine. Si elle a haine dans ton cœur, que ça te fait mal quand tu entends mmh, parler, c'est qu'il y a un problème. Lui, il m'a perdu sa sœur l'autre jour, je suis partie là-bas. Il n'a pas dit c'est toi que tu es. Non, et là, nous sommes... Et depuis jusqu'à présent, on attend que tu apportes le plantain à l'église dans la prophétie. Je ne connais même pas la ville là-haut. Bombardé. On a menti. On finit. Maintenant, pour qu'on conclue, à moins que tu nous sortes encore une autre carte là, d'une autre histoire encore. Je ne sors plus. On finit maintenant. Tu as fait combien d'illuminations depuis là? Depuis que tu as cru, tu as marché dans combien d'endroits? Parce qu'il y a entendu Winner Chapel, les autres grandes salles à l'hôtel, quoi, Benado, aussi Bonadi aussi. Combien tu en as parcouru? J'avais d'abord oui, mission de Jésus, c'est là que j'ai cru. Mission de Jésus, c'est où? Le pasteur qui a dit que je vais manger dans la poubelle. Mm. J'ai fait au moins 10 ans là-bas. Oui. Waouh. Après, il nous a détachés parce que un pasteur ne doit pas garder seulement une église. Il faut aller ouvrir l'autre église à Bassala. Oui. Alors c'était des palmiers. Oui. Je suis allé là-bas, c'est là que le pasteur a dit que je vis dans le péché parce qu'on m'a volé. Oui, et on a aussi brûlé aussi sa part. Mm-hmm. Et lui aussi, je lui ai dit qu'il vivait dans le péché, ça ne pouvait pas être possible. Là, tu as encore quitté. Oui. Deux. Continue. Je suis allé chez Osakwe. Osakwe, c'est encore qui ça, maman? Ah. On appelle comment? Saint Thomas. Mm-hmm. Dans au quartier, l'on dit le Baba. Le Baba. Mm-hmm. Mais c'est pas dur là-bas. Mm-hmm. Durer. Et quand tu pars partout, tu es fidèle. Continuons. Osako, fidèle Osako. Comment? Donc tu es sérieux, ce que je veux dire. Sérieux. Tu es sérieux. Tu veux chercher Jésus, non? Oui. Il a dit que vous allez me chercher jusqu'à. Mm-hmm. Comme un aveugle cherche. Mm-hmm. Après maintenant, là-bas, il y a eu un problème aussi. Le problème était lequel? Le problème était que ma fille qui est morte là, elle a laissé un garçon de 10 ans. Mm-hmm. Mais avant sa mort, elle était à l'école normale supérieure. Mm-hmm. C'est moi qui encadrais le bébé là. Mm-hmm. Il était tombé malade. Mm-hmm. C'était vendredi soir, mm-hmm, jeudi soir, vendredi soir. Samedi matin, je l'ai amené à l'hôpital. Mm-hmm. Et ce samedi-là, c'est moi qui devrais faire la propreté dans l'église. Mmh. Et je ne pouvais pas. Mmh. C'est, premièrement, je suis rentrée tard de l'hôpital. Il fallait faire de quoi manger, ceci, cela, je n'ai pas pu. Ok. Peut-être que nous sommes beaucoup. Mmh. Puisqu'on mettait trois personnes pour balayer la salle. Nous sommes restés là-bas une dimanche, je suis allée à l'église, je n'étais pas samedi, mmh, pour la propreté. Dimanche, je suis allée à l'église. Et c'est là qu'on dit que peut-être les autres aussi étaient empêchés, mais on a dit, on a lu à haute et intelligible, on voit que c'est Maman Doumbé qui devrait balayer la salle. Mais elle n'a pas balayé et les chaises ne sont pas nettoyées. C'est cela. Ok. Et là, il ne connaissait pas le malheur que tu as. Non, il ne connaissait pas. Mais quand ils m'ont posé la question, je suis restée la bouche fermée. Ils me disent que non, ça veut dire que je les méprise. Mm-hmm. Que je dise quand même quelque chose. Je leur ai dit que l'enfant était malade. Et il y avait un gars que j'ai amené là-bas. C'est moi qui lui ai prêché l'évangile, pasteur Makembe. Je leur ai dit que le frère Makembe était au courant que l'enfant était malade. Et jusqu'à présent, comme je le porte ici, mm-hmm. il est malade. C'est là que j'ai dit que est-ce que je peux dire quelque chose. On me dit oui. J'ai dit, mais la femme du pasteur, si moi j'étais à sa place, mm-hmm. sachant que personne n'est venu samedi pour faire la propriété, mm-hmm. elle peut prendre le balai, elle nettoie la place. Mm-hmm. Elle ne sait pas ce qui empêche aux gens de ne pas venir. Mm-hmm. Ok. On m'a dit que la soirée, je me suis assise. Après maintenant, en prêchant, on dit que quels sont ceux qui vont donner deux bancs? Quels sont ceux qui vont donner trois bancs? Tu connais les grands bancs de l'église protestante? Les longs bancs, oui. C'est là que comme ça, à l'école. Oui, c'est ça qu'on avait, les meilleurs là. Les autres, on me dit, mais maman Doumba, toi tu donnes combien? J'ai dit, tu n'as pas d'argent. Mm-hmm. Qui dit ça, le pasteur? Mm-hmm. Je dis que je n'ai pas d'argent. Là alors, qu'on m'amène au conseil de discipline. Quoi, on t'appelle, on amène où? Conseil de discipline. Pour dire, m'expliquer pourquoi j'ai dit comme ça que je n'ai pas d'argent. Et maintenant. Là, c'est dans quelle église maintenant? Ça fait quatrième église. Vie et puissance biblique. Vie et puissance biblique, ça se trouve où? À Saint-Thomas, non? Ah, ça, nous sommes encore à Saint-Thomas. Allô, Baba. Mmh. Donc, il y a le conseil de discipline là-bas, on te conseille. Pour te dire pourquoi tu as dit que tu n'as pas l'argent. Mmh. Mmh. Et je prends la parole. Il leur dit que je vous en prie. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a? Mm. Nous n'entrons pas ici, même pour l'intercession des femmes, mm-hmm. seulement, sans donner les offrandes, sans donner les dîmes. Mm-hmm. Tout cet argent que l'Église amasse là, ça va où? Ça va où? Jusqu'à ce que quand il faut un banc dans l'Église, on demande aux gens de cotiser. C'est là où tu, c'est toi qui as dit ça? Oui. Même toi, tu avais l'esprit de rebelle. Hein? Mais, ça, c'est le conseil de discipline qu'on t'a traduit. Mm-hmm. Et qui était le membre? Le pasteur était là. Le pasteur était là, les anciens étaient là, les autres pasteurs étaient là. Oui. Hmm. Tu les as tenus tête. Et puis maintenant, alors, le pasteur m'appelle, me dit que maman, c'est pas comme ça qu'on parle. Il t'appelle derrière. Mm-hmm. La séance était non. Non. Qu'est-ce qu'ils ont réagi? N'importe qui a boudé et que j'ai mal parlé, ceci, cela. Bon. Mais est-ce que tu avais prémédité également ça? Non. Est-ce que je savais qu'on devrait me proposer une pareille question? Hey. Et puis, le pasteur m'appelle. Elle dit, maman, ça revient t'asseoir. Elle me donne un jus. Je dis que mon ventre me fait mal, papa. Si je bois ça maintenant, je peux... Alors qu'il n'y avait rien. Mm-hmm. Ça bouillonne là, il est resté. Puis il me dit que, mamie, you know, say. C'est un anglophone. C'est un bienfait, non? Ah, ok, du Nigeria. Au sac, oui. Mm. You know, say, if you begin for talk so, with people them day, that one no fine. Donc, tu commences à parler comme ça, les gens, c'est pas bon. Que je sais qu'il y a les ignorants dans les églises. Mm. C'est pour dire que ça va les ouvrir les yeux. Mmh, ça va, et ça va donc, les pousser aussi à comprendre ta position. Mmh. Donc, ils ne disent plus jamais ça. Mmh. Mais, après, j'ai constaté que quand nous allons, je vais là-bas, tu n'as plus de place. Je n'ai plus. Ma place était toujours là-bas, en haut. En haut. Si on pouvait même me consacrer là-bas, c'est que c'est là-bas que. Mais quelle était la décision du conseil de discipline? Puisque on te conseille, on t'a amené au conseil de discipline. Pour... On ne m'a rien dit. Mm-hmm. On t'a seulement reçu. On a vu qu'elle a tout gâté. Le conseil de discipline, que tu as tout gâté. Que son tante là, tu peux tirer tout. Aller dire ça qu'elle a rassemblé maintenant. Maintenant, j'ai vu moi-même, je suis sorti pour aller à Winner Chapel. Et là, tu es sorti aller à Winner Chapel. Allez, bon, on a pris tes 50 000. Des nargues, ainsi de suite. Non, c'est pas parce qu'on a pris mes 50 000. Oui. Mais c'est parce que. On m'a méprisé. Encore parce que quand il y avait un frère, une sœur qui était éprouvée. Oui. Je pouvais être parmi les premières personnes, que ce soit la contribution, que ce soit l'assistance, que ce soit n'importe quoi. Mais à mon tour, je ne les vois pas. Ça veut dire que je n'ai pas de place dans leur cœur. Peut-être parce que tu ne contribuais pas beaucoup d'argent à l'église. Je donnais beaucoup. Et pourquoi ne te confiais? Et en ce temps-là, j'étais jeune encore. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui. Après une chapel. Après une chapel, je suis allé maintenant à... c'est combien l'église là? Ça fait déjà 5. Oui, quand je vais arriver à 7, je vais m'arrêter parce que c'est le 7 que je suis né. Je suis allé à la City Mission, c'est-à-dire la cité de Jésus. City Mission, c'est là, c'est surtout où? Carrefour Cité, vous allez comme pour aller à la. À Bédi. Voilà, le quartier qu'on appelle cité de Pamir. Oui. Là-bas. Donc, c'est, Jésus est là-bas. Tu as dit que c'est la cité de Jésus. On a dit cité de Jésus, non. Toi, si tu es parti là-bas. C'est le nom. Tu as dit que je cherche Jésus. Je cherchais une église qui était à côté de ma maison. Oh, ok. Demain, en même temps, tu étais à cité de Pamir. Et tu partais à Péka, Kwanchisi, tu partais à ceci, à l'Ombre, oui. Parce que tu cherchais Jésus. Oui. Alors que la cité de Jésus était à côté de toi. Non, mais. La cité de Jésus, là, c'était d'abord l'assemblée de Dieu. Ils étaient réunis, après ils se sont séparés. Ah. Eboa, le pasteur Eboa, oui. Jérôme, oui. A ouvert alors la cité de Jésus. Oui. Les autres, je ne sais pas. Où ils sont partis? Comme... C'est-à-dire, quand ils se divisaient là, oui. Je n'étais pas. Tu es seulement venu trouver que c'était la cité de Jésus. La cité de que Jésus a construit sa cité là-bas. Tu es entré comme tu cherches Jésus. Tu as dit où est Jésus ici? Allons-y. Je suis entré là-bas. Je suis resté depuis 2004. Non, 2004 c'était à Winnetchapu. Je suis resté à la cité de Jésus de 2008 jusqu'à il y a au moins 2 ans. En 2008, peut-être qu'en 2014, oui. Ce qui m'a enlevé là était que... Oh, nous souffrons. Je souffre, c'est pas que nous, parce que tout le monde n'a pas, chacun a son problème. Tu restes chez toi. Un frère te demande que tu habites où. Tu lui dis que, bon, la Bible dit que ne mentez pas. Il peut même lui dire que j'habite même à Kepé. Il dit que je suis à Neuf. Il vient, il mange. Il mange. Tu lui achètes un jus, il boit. Quand il a bu le jus, un autre jour, il revient. Il mange, il boit. Il dit que ce sont les femmes comme moi qu'il aime. Une maman comme toi. Maman, parce que je suis au Seigneur. Il n'y a pas les femmes douala à mon âge qui ont les hommes ici. Hein? Non, mais pas, je parle parce que c'est un milieu chrétien. Chrétien, oui. Lui-même est un papa, non. Oh, mais il n'est pas marié. Il est marié. Il a sa femme. Dans sa maison, avec ses enfants. Non, mais une maman comme moi, puisqu'il a trouvé que chez moi, je n'ai pas d'homme. Il y a d'homme. Elle a vu que tu es une femme bien. Qui peut, bien qui en quoi? Qui s'occupe bien des hommes, des frères. Bien en quoi? Et que tu as encore du jus. Maintenant, quand nous sommes à l'église. Et là, ce que maman Douala, comme toi, comme ça, peut préparer bien le Douala. Je ne suis pas Douala, je ne suis pas ça. Tu ne veux pas bien le Mbongo? Non, on ne mange même pas ça, le Kwame. Oui. Chez moi là-bas, les singes mangent à table avec les pierres. Dans mon village, on ne peut pas ça. Il va tourner comme ça pour regarder où je suis. Quand il me voit. Où ça? À quel moment? À la cité de Jésus. Ah, donc quand vous êtes à l'intérieur de l'endroit où vous appelez de l'église, dans l'église. Il se lève, il cherche là où tu te trouves. Il te salue. Le jour que je fais le rêve de partir sans le saluer, il se fâche. Il doit appeler au téléphone. Pourquoi tu n'étais pas à l'église? Ah, t'as sa femme aussi dans la même église? Oui. Avec ses enfants aussi. Ceci, cela. Oh, Jésus. Et sa femme n'avait pas remarqué. C'est si elle a remarqué, je ne sais pas, je suis dans son cœur. Connais comment ça se passe. Donc tu es allé là-bas pour créer la jalousie dans le cœur d'une maman? Je ne sais pas. Maintenant, quand on se salue, il est obligé de me faire comme ça. il te gratte la pomme des pieds. C'est ça que j'ai dit à Jésus-Christ. C'est pas ça que je suis venu chercher ici. Je suis parti. Donc tu entres dans la mission de Jésus, allez voir la mission de Jésus, on te draguait seulement. J'étais devenu jeune là-bas. Mm-hmm. Comme Sarah. Mais je m'appelle Sarah. Mais. Et maintenant, il fallait accoucher Isaac. Est-ce que. Il a dit que à Jésus que je ne suis pas venu chercher Isaac. Quand tu as fui maintenant, comme il connaissait la maison, est-ce qu'il ne venait plus à la maison non? Ou tu te demandais comment il m'appelle même avant, il m'a appelé. Et pourquoi tu ne viens plus? Hein? Et pourquoi tu ne viens plus depuis où? Pourquoi? Que j'ai déjà changé d'église ou pas. Je lui ai dit que c'est pas pour moi qu'ils ont construit leur église. Il reste là-bas. Il me laisse tranquille. Mm-hmm. Il reste là-bas tranquille avec sa famille. Mm-hmm. Et un jour, j'étais avec une amie. Mm-hmm. Comme il avait fait le couscous, il a bien mangé, et il partait alors. Mmh. Mon ami était parti aux toilettes. Mmh. Et il me dit que moi, je suis un bassin. Quand je dis que je veux coucher avec une femme, je couche avec elle, je ne mange pas mes mots. C'est-à-dire que il a fallu que je creuse le sol pour disparaître. Là, mon ami a compris. En entendant cette parole-là. Et cet ami-là, elle est chrétienne. Oui. Elle est aussi dans la même mission. Dans la même église. Ça m'a fait honte. Et cet homme-là, il a une poste de responsabilité dans cette assemblée. C'est lui-même le premier ancien dans l'église. Mm-hmm. C'est le premier ancien. Vous allez me dire, vous allez me soulever votre système. C'est lui le modérateur. Tous les jours, il est là. C'est lui qui va dire que c'est toi qui. Ah, celui conduit. Qui donne les différentes tâches. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est-à-dire que j'ai eu honte. Oh. Et quand ta camarade est sortie, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a entendu cela. Elle me dit que Saint-Doumbé, c'est le nouveau frère là-bas. C'est le... elle veut parler de quoi? Que c'est ton gars. C'est mon gars. J'ai eu honte. Cité de Jésus. Ils se connaissaient entre eux. C'est pour ça que depuis là, je n'ai plus mis mon pied là-bas encore. C'est là où tu es sorti maintenant pour aller maintenant chez... Là où tu es emblème maintenant. Mm-hmm. C'est le coup ça. Et maintenant? Mais maintenant... Voilà, c'est 500 que tu as pris. C'est des... Ah, ça c'est un démon. J'achète le jus là demain. Mais le problème c'est qu'il a dit que tu auras l'argent, la pauvreté. Mais j'aurai non. J'aurai toujours. Dieu me dit que bénis l'œuvre de mes mains. Moi j'aurai toujours l'argent. Et il me donne l'argent. Mm. Dieu me donne l'argent. Amen. Pour ça. Il me donne l'argent. Si lui dit que donne-moi l'argent, il me donne l'argent. Et la foi est une ferme assurance. Tout à l'heure, je pose la question. Que si, ceux qui écoutent maintenant, qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas leur dire qu'il faut qu'ils se répandent et qu'ils sortent du milieu où ils se trouvent. Ceux qui nous écoutent maintenant, qui sont des pasteurs et qui font ces choses-là que tu as dénoncer ici-là, qu'est-ce que tu veux leur dire? Non, je leur dis de continuer. Ils continuent leur œuvre. Oui, bien sûr. Parce que c'est ça qu'ils sont censés même faire. Mm-hmm. Mais que le Seigneur enlève les brebis du Seigneur, c'est pour propres brebis là-bas. Le maître va venir retirer ces gens. Mm. C'est trop, c'est trop. On ne peut même pas leur parler. Hein. Mmh. On ne peut pas leur parler. Parce qu'ils ont déjà choisi leur voie. Mais seulement qu'ils trompent beaucoup de nous autres. Mmh. Par exemple, si, heureusement même que je rends grâce à Dieu pour mon père qui a voulu que j'aille à l'école. Mmh. Est-ce que si je ne pouvais même pas être en train de lire ou d'écouter la parole de Dieu, mmh. quel serait mon sort? Et je rends grâce à Dieu pour de ce qu'il a permis qu'on puisse se rencontrer. Parce que c'est qu'au travers de vous, ma vie pourra changer. Amen. Même les églises là, c'est pas. Non. C'est pas pour moi qu'ils ont fait les églises là. J'ai toujours dit à Dieu que je ne meurs pas dans l'église d'une personne. Comment? Je ne meurs pas dans l'église. Il y a même l'autre ici là. Oui. Là où j'ai dit que j'ai vu les prophètes femmes. Oui. Il y a un mouvement là qu'on appelle Faref. Faref. Okay. C'est pour les femmes, pour la miséricorde. Oui. C'est-à-dire qu'elles encadrent. Dans le social. Les veuves, les orphelins. Un mouvement comme ça, vous entrez, vous priez, si vous avez quelque chose à donner, mm-hmm. vous réunissez ça, on donne aux enfants, puis mm-hmm. n'importe qui reste chez nous. Depuis que je suis sur la terre, mm-hmm. j'ai 70 ans aujourd'hui, mm-hmm. C'est la seule église qui n'a pas donné l'offrande ni la dîme. Mm-hmm. Ah bon? Mm-hmm. Depuis qu'il est vivé là. C'est la seule église ici. En Guadeloupe. C'est la seule. Il y avait les invités le jour-là, les grands monsieur, les voitures et ceci. On a prêché, parlé. La femme a fait son témoignage. Je n'ai pas entendu que donner l'offrande ici aujourd'hui, le sacrifice, la dîme. Pour la première fois, tu n'as pas entendu ça? Je n'ai pas entendu depuis la... C'est la première fois. Mais ça ne t'a pas surpris, ça? Ça m'a beaucoup surpris. C'est pour ça que j'en parle. Ça m'a beaucoup surpris. Parce que tu étais habitué à tant argent, mmh, sacrifice. Toujours. Quand je pars à l'église, j'ai trois enveloppes. Tous les jours. Mais c'est fini. Ils vont me chasser là-bas. Ils me chassent alors. C'est fini. Ah, mais c'est ça encore. C'est ici qu'on conclut. Bien-aimés-vous tous qui nous écoutez dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse de toutes les façons. Vous pouvez également avoir d'autres enseignements encore sur la chaîne YouTube Bamba Iba. Et nous revenons encore avec d'autres témoins. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. De sauver les âmes. C'est de sauver les âmes. Moi, je suis le frère Junior de Douala au Cameroun. Vous pouvez nous contacter au plus 237 6 94 01 94 40. Si vous avez d'autres témoignages à nous faire parvenir. Et si vous êtes des pasteurs qui voudraient vous repentir et vous êtes allé dans cette voie de perdition, nous sommes prêts à vous aider afin que vous marchiez dans la voie de la sainteté, la voie droite selon le Seigneur. Vous pouvez également nous contacter sur notre adresse Skype. Le Skype, c'est Junior. Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S avec le chiffre 3. Ou bien vous posez vos questions sur Yahoo. Messenger, en nous envoyant un mail à Junior. Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S. Que le Seigneur vous bénisse de toutes les façons. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse la soeur Sarah. Qui revient de loin. Que Dieu te bénisse et que j'ai pris au travers de ton témoignage. Que Dieu change la vie de tout le monde. Enfin, je crois que toi-même, tu dois prier comme ça pour tout le monde pour que Dieu les change aussi. Pas vrai? C'est normal, papa. Mm-hmm. Que Dieu change. Tous ceux qui écoutaient le témoignage. Oui. C'est grave sur la terre. C'est très grave. Très grave. Et en plus dans l'église encore. Mais je crois même que dans le monde, il ne se passe pas les choses comme ça. Comme dans l'église. Dans les églises maintenant. La mode, c'est dans les églises. Et puis, puisque dans les églises, ils sont sûrs qu'ils vont réussir. Quand tu fuis la mauvaise chose dehors, à l'extérieur, dans le monde, tu viens dans l'église, c'est plutôt à l'intérieur que tu te retrouves. Pire. Bon, maintenant, comme tu as décidé de suivre maintenant Jésus, maintenant, comme tu veux marcher dans la vérité, est-ce que tu es prêt demain à le suivre sans te compromettre en marchant dans la foi de la vérité à tous les coups et à quel qu'en soit ce que ça va coûter? Tu es prêt maintenant à marcher d'après la parole? En racontant tout ce que j'ai raconté. Non, je voulais dire maintenant, c'est ta nouvelle vie maintenant. Maintenant que tu connais maintenant que on t'est trompé. Là-bas, il y avait du mensonge. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne le suis pas, pourquoi? Maintenant, quand ton pasteur va t'appeler, maintenant que viens ici, depuis on ne te voit pas, qu'est-ce que tu vas dire? Et j'ai pitié de... Je vous ai dit que ce pasteur-là... non, pas, j'ai dit à l'autre que c'est même pas pour moi qu'on a conçu les églises. Là. Bon, c'est la fin. Que Dieu vous bénisse. De toute façon, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. Bonne nuit. Il est minuit 26 minutes. Oui, on va bien dormir. Donc, je crois que Dieu nous a donné vraiment un bon climat et moins de moustiques ce soir pour pouvoir en parler. Que Dieu vous bénisse vraiment. Non, là. Maman. Je vais te porter les chaises, d'accord? Allez, vas-y, maman, vas-y. Pense. Et tout ça. Mais t'avais porté, t'avais fait des tours, y'a pas de problème. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont approchés au bien éphémère de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Abou beauté à ce Aze comme souvenir, Amouna Baviane yem sindo ne ma semaine été. Amouna Jodiana, Ntavane chéri, Avoue yam bam, Amouna ne zame. Oh, Amouna sinu ya yelot, Amam se ya bien yon ami semaine. majo e komo buna na zambe o te dang yo bendigo te dang tung tung o sane Vous êtes mon gardien. Le jour du jugement, ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur. À faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif, c'est l'enfer. Un mot se cristaille son, un outil ici au majo. Avant la bouille, ma médaille, boban, un mot saute. Calate zambe, ailleurs le biana. Ce d'ailleurs une cristana sans m'écoute. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont supporté les persécutions, ils recevront la couronne de gloire. Me Miami di que bouni, me rebelle, me boune yengana. Woye kousa me ta joye sous sena, de me gaye me bouma. Aïe bona, un monstre Jésus aïe son, n'azouti ici mon âme d'eau, et mon milan là. Un monstre de Jésus aïe bon, mais connaissable. Amouna, va me manéa, un monstre de. La zambe, la Bible, nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. A Jésus, mon gâteau pasteur, mon gâteau prêtre, mon évêque, mon dit à me woe, à ma monde, de la sort. Mon gâteau, mon sinami, quand te botte, bamba foy, un poil d'agni botte. Minga, quand te philosophie, et mon milagre, de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église. Bembende yabadia et bebe kota bie, pour le manus de la consort. Aïe sous ce mon bon majona, moi j'étais le diacre. Me diacone yababon miyene, de yom aïe sous ce de la consort. Un gâteau de ta choriste, les choristes de l'ambiance. La diane me melou à Begombo pour le manisé de la consort. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de la consort. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement et l'auto consort. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même un mariologue, Josephologue. Il n'y a pas de godasse dans mon royaume, que le sort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser, que le sort. J'étais témoin de Jéhovah, tu as bien fait de témoigner. Mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu, que le sort. J'étais musulman, le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie, que le sort.